Vous écoutez Vivacité, il est 14h. Le journal est présenté par Lionel Denebourg. Bonjour, une véritable mascarade et une mise en scène, voilà pour les premiers commentaires de Michel Platini après sa suspension de 8 ans infligée par la justice interne de la FIFA. Michel Platini l'annonce dans un communiqué, il va aller en appel devant le tribunal arbitral du sport et devant la justice civile. Même démarche donc que Sepp Blatter, lui aussi suspendu pour 8 ans. Les deux dirigeants sont sanctionnés dans le cadre d'un versement litigieux, 2 millions d'euros versé à Michel Platini en 2011 pour une mission remontant au début des années 2000. Le parquet fédéral donne des précisions sur les perquisitions d'hier soir et de ce matin dans le cadre des attentats de Paris. En tout, 5 personnes ont été interpellées à Bruxelles et à Laeken. On saura dans la journée si ces 5 personnes sont maintenues en détention. Peut-être un repreneur pour le Bon Grain, cette boulangerie industrielle de Morlanway. 3 candidats repreneurs se sont manifestés et une offre à les faveurs du curateur, celle de la Lorraine, grand groupe industriel. La négociation avec les syndicats reprend à 16h. Le préavis de grève sera-t-il, oui ou non, maintenu à la SNCB? Les représentants de la CGSP cheminots se réunissent cet après-midi pour se pencher sur les propositions du gouvernement. Le syndicat socialiste pourrait ensuite se concerter avec la CSC pour parler donc des 5 jours de grève prévus au mois de janvier prochain. Le gouvernement fédéral veut désigner un conciliateur pour rapprocher les points de vue, mais en échange, il demande d'enlever cette menace de grève. Un œil sur la météo avec un ciel très nuageux sur le sud avec quelques averses. La pluie arrive sur la côte également en fin d'après-midi. Les maxima aussi entre 8 et 13 degrés, gare aussi au vent de sud-ouest cet après-midi. Il sera assez fort. Viva for Life continue à Charleroi et c'est Cyril qui prend le relais cet après-midi. On fait un point RTBF Mobile Info. Bonjour Pierre Collarbovi. Bonjour Cyril, bonjour à toutes et tous là-bas évidemment. Toujours quelques petits soucis liés à cette perte de chargement sur la E411 Luxembourg-Bruxelles aux environs de Champion. C'est du gravier qui est répandu sur la chaussée, qui est partiellement entravé donc en direction de Bruxelles. Puis un véhicule est en panne sur la E17 Courtrai-Lille à hauteur de Reckem. La bande de droite est neutralisée, la circulation est ralentie en direction de Lille. Et puisqu'on parle de Lille, restons-y. Sur la E17, la même E17 Gand-Lille, et bien vous êtes ralenti entre Albeek et Reckem et vous perdez une dizaine de minutes en direction de la frontière française. Les escargots, on les préfère dans l'assiette que sur la route. Ça tombe bien, ils sont au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. CoraWine.be. Ce sont tous les vins de Cora livrés chez vous. Excellente nouvelle pour les connaisseurs. Un choix comme ça, c'est sur CoraWine.be. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Viva for Life. Viva for Life. De 14h à 18h avec Cyril. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien si vous nous rejoignez sur Vivacité. Nous sommes toujours dans le cube de verre pendant encore 53h 10 minutes et 39 secondes et on a besoin de vous. Vous vous mobilisez énormément, mais ne lâchez rien, ce n'est pas fini. On cherche à faire exploser le compteur. 2 100 000 euros, c'est ce qu'on a récolté l'année dernière dans l'édition 2014 de Via for Life. On veut faire mieux cette année, vraiment, et on compte sur vous, on a besoin de vous pour ça. 0800 30 00 7, c'est le numéro que vous devez appeler pour choisir la musique. Vous choisissez le morceau que vous avez envie d'écouter. Et puis derrière, vous faites un petit don et on fait avancer l'histoire. On fait grimper, gonfler ce compteur et cette boîte à dons ici sur place, à la place de la digue également. Alors, peut-être quelques propositions de musique, si vous séchez un petit peu. On peut écouter du Jimmy Cliff aujourd'hui. Dans un autre style. Vous êtes peut-être plutôt Jean-Jacques Goldman. Il suffit de nous le dire. Viva4life.be ou 0800 30 007. Jean-Jacques Goldman ou M. Pokora, vous pouvez choisir la version que vous préférez. 0800 30 007. C'est vraiment important d'appeler ce numéro-là pour faire vos dons et choisir la musique. Peut-être Chaka Ponk aussi. Et si vous aimez Pascal Obispo, il faut nous le dire. Faites un don et demandez-le. C'est mon millésime, ma plus belle année. Pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. VivaForLife.be pour partager la musique qui a du cœur ou 0830 007. On vous attend. Et justement, à propos d'attendre, il y a des demoiselles qui attendent à la boîte à dons. Bonjour les filles. Comment ça va? C'est quoi vos prénoms? Comment vous appelez? Alice. Alors Alice numéro 1, numéro 2? Margot. Margot, et en numéro 3 on a? Amélie. Alice, Margot et Amélie, vous êtes venues avec non seulement un don et un dessin, racontez-nous, qu'est-ce que c'est? Laquelle des trois parle? Pardon? Allez Margot, t'es au milieu? Non Margot, tu parles au micro, tu expliques? Racontez-nous ce que vous avez apporté en fait. On a fait un projet. Ouais. En vendant des pop cakes et des roses de sable. Ah c'est bon ça. Ouais. Les pop cakes. Tu sais que tu me donnes faim là. On n'a pas le droit d'en manger ici. On a que du liquide à manger. Et donc ça a bien marché? Ben oui. Vous avez rapporté combien? 500 euros. Ah ouais, 500 euros. Merci les filles, c'est super sympa. Alors, vous avez ça dans une urne. On va essayer de transférer tout ça dans la boîte à dons. Puis je vous fais un énorme bisou. Merci de vous être mobilisé pour les enfants qui en ont besoin. À tout bientôt. Au revoir. Salut à les filles. Bientôt. 0830 007, vous choisissez la musique que vous avez envie d'entendre. Étoile des neiges, c'est ce qui a été demandé par Jeanne. Jeanne de Huy, qui a donné 50 euros pour l'écouter. Jeanne, merci. Et voici votre chanson. Viva for life. Dans un toit perdu des montagnes, étoile des neiges, mon cœur amoureux, c'est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute la vie, j'en fais serment. Hélas, étoile des neiges, sèche tes beaux yeux, le ciel protège les amoureux. Je pars en voyage pour qu'à mon retour, à tout jamais, plus rien n'empêche notre amour. Et quand on compte sur vous pour faire vos dons, choisir la musique. Si vous avez envie de faire un don par téléphone et pas choisir de musique, vous avez le droit aussi, hein, bien évidemment, on vous l'impose pas, mais en même temps, si vous choisissez pas de musique, on n'a plus rien à faire dans l'émission, donc on a besoin de vous. 0830 007. Et d'ailleurs, nous allons prendre la direction du call center Enalo à Gosselies avec toute l'équipe qui se mobilise et tous les bénévoles qui décrochent au téléphone pour répondre à vos appels, avec Jean-Marc Dessert qui est sur place. Ouais. Bonjour Jean-Marc. Salut Cyril, vous voulez que je chante un petit peu peut-être? Vous voulez chanter? Allez-y, on vous vous écoute. Non, c'est une bêtise parce que je chante très très faux et ça va vous desservir, vous savez. Mais donc Jean-Marc, vous savez, on était dans un thème très neige depuis tout à l'heure. Il y a eu la Reine des Neiges juste avant les infos de 14h, là, Étoile des Neiges. Mais je pense que la Reine des Neiges, vous pouvez le chanter. Vous pouvez le tenter. Ah ouais, libéré. Délivré, voilà, c'est tout. C'est fait. Et on n'en parle plus. On n'est pas prêt de faire une soirée karaoké avec vous. Non, hein. Je pense pas. Oh non, surtout pas. Je peux pousser des boutons, je peux. Mais non, chanter, non, ça je peux pas faire. Comment ça se passe au call center? Écoutez, ça se passe super bien, très très bien. Il y a tous nos bénévoles qui sont ici, qui vous attendent, et notamment Roger. Bonjour Roger. Bonjour. Roger qui vient de Bruxelles et vous êtes bénévole pour Cap 48 depuis de nombreuses années. Et puis depuis l'opération Viva for Life, vous êtes également téléphoniste ici pour l'opération Viva. Absolument, je me suis lancé évidemment dans ce bénévolat pour les enfants. Et c'est avec plaisir que nous accueillons tous les gens au téléphone. Je vous rappelle le numéro, le 0800 30 007. Ne manquez pas de nous appeler parce que nous sommes là pour là et on aime pour ça et on n'aime pas de se tourner les pouces. Et vous le savez, hein, si vous appelez le 0800 30 007, vous pouvez demander le téléphoniste que vous désirez. Si vous voulez Roger, vous demandez après Roger et ça fonctionne. Eh ben, vous savez ce qu'on va faire? Oui. Moi, je vais appeler le call center. Et vous, comme d'accord, vous n'êtes pas bon en karaoké, on va voir si vous êtes bon au téléphone. Jean-Marc, je vais appeler. D'accord. Et je vais demander à parler à Jean-Marc. C'est possible? D'accord. Ouais, c'est possible, on va essayer. Ok, oh, ça va, je mets mon casque téléphonique sur la tête alors. Parfait, et eh ben c'est parti, on compose le numéro de téléphone. Bienvenue à Viva for Life. N'hésitez pas vous aussi à faire 0830 007. Contact avec un bénévole pour effectuer votre don. Vous pouvez déjà préparer votre numéro de compte. Nous vous rappelons que pour tout don de 40 euros ou plus, vous bénéficierez d'une attestation fiscale. Le message est important, comme ça n'hésitez pas à le faire. Viacité. Bonjour. C'est oui, Jean-Marc. Bonjour. Oui, c'est Jean-Marc, absolument. Mais comme c'est bien fait, comme on arrive directement sur vous. Ah oui. Alors, oui. On va le faire comme si j'étais de l'autre côté de la radio et que j'appelle. Bonjour Jean-Marc, c'est pour faire un don. Tout à fait, je vous écoute. Quelle est la somme que vous désirez faire? Si c'est Vivacité qui paie, si c'est la RTBF, on va mettre 1000 euros. 1000 euros, voilà, parfait. Je peux avoir votre compte bancaire, s'il vous plaît? Alors, je ne connais pas le numéro de compte bancaire du patron de la Vivacité. On va mettre 3-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Voilà, votre numéro de téléphone. Ah, compte invalide. J'ai fait une bêtise. Forcément, oui. Oui, bon, on corrigera par après. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. 0800 30 007, bien sûr. 30 007. Vous êtes un homme? Je pense. Attendez, je regarde. Toujours pour le moment, oui. D'accord. Votre nom de famille, s'il vous plaît. De Teille. Je note votre prénom. Cyril. Cyril. Votre adresse. Alors, place de la Digue. Place de la Digue. À Charleroi. Et le code postal de Charleroi. 6000. 6000 Charleroi. Alors, quelle chanson désirez-vous entendre sur Vivacité? Alors, j'aimerais bien Dorothée. Vous savez, Dorothée. Un vieux monsieur l'ordinateur ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai Dorothée, et voilà, je l'ai sous les yeux. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Ah, ça, ce serait parfait. Voilà. Est-ce qu'on peut vous rappeler? Bien sûr. Oui. Comme vous voulez. Est-ce qu'on peut faire aussi une petite dédicace à l'antenne? Bah, une dédicace à toute l'équipe qui bosse comme des dingues, à notre nounou qui se démène pour nous. Et voilà, parce que on le dit régulièrement, mais Sébastien, Sarah et moi, on est dans le cube. Mais il y a une équipe de fous, et dont vous, Jean-Marc, hein, qui bossait vraiment sur Viva for Life. Cette émission, on pourrait pas la faire avec toute l'équipe. Enfin, on pourrait pas la faire sans toute l'équipe qui est derrière nous. Donc voilà, pour toute l'équipe qui se démène depuis des jours et des jours. Et vous confirmez bien donc, Cyril, le montant de 1000 euros? Bien sûr, sur le compte d'Éric Gilson, le patron de Vivacité. Voilà, l'opération est bien enregistrée. Je vous remercie. Passez une belle merci après-midi. Jean-Marc. Bonne journée. Et bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup. Mais comme quoi, vous voyez, c'est super facile. Ça prend juste quelques secondes. N'hésitez pas à le faire. 0800 30 007. N'hésitez pas à leur dire merci quand vous les avez au téléphone parce qu'ils sont vraiment super sympas au call center Enalo. Je vous ai demandé Dorothée, là, il y a un instant. Allô, allô. Vous vous souvenez de ça? Monsieur l'ordinateur, dites-moi. Où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur. Car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi. N'hésitez pas si vous avez envie d'écouter ce morceau de Dorothée en entier ou un autre. Ou vous pouvez aller chercher des morceaux même qui sont des souvenirs peut-être juste pour vous. Mais n'hésitez pas et racontez-nous pourquoi vous choisissez ce morceau. 0800 30 007, on vous attend. La musique a du cœur. Partageons-la avec Cyril. petit, n'écoute pas les grands parler, va-t'en jouer dans le jardin, il y fait meilleur ce matin. Petit, n'écoute pas ta mère pleurer, tant pis si elle a du chagrin, va-t'en courir dans le jardin, écoute le vent quand il va tomber, il te dira. N'écoute pas ton père partir, même si jamais il ne revient, va-t'en courir dans le jardin. N'écoute pas les grands gémir, va-t'en jouer dans le jardin, il y fait meilleur ce matin, il y fait si beau ce matin. Michel Sardou avec Petit, c'est Charline qui nous a demandé cette chanson, elle donne 50 euros. Merci beaucoup Charline d'avoir donné de l'argent. Charline est-elle au téléphone ? Oui, je suis au téléphone, oui. Bonjour Charline, comment ça va ? Ben, je suis très émue, j'ai les larmes aux yeux. Vous avez les larmes aux yeux ? Ah oui. Qu'est-ce qui se passe Charline ? Ben, arrêtez, dites. Dites-nous c'est Charline. C'est une chanson qui me tient à cœur depuis très longtemps. J'espère, comme je l'ai mis dans mon message, que tous les papas, toutes les mamans pourront un jour dire ça à leurs enfants qui sont en difficulté. Ben, en tout cas, Charline, merci pour votre message, merci pour votre don, parce que 50 euros, ben, c'est beaucoup. Et 50 euros, plus 50 euros, plus 50 euros, on va arriver à dépasser les 2 millions 100 000 euros. Et vous y aurez participé. Merci beaucoup, Charline. J'espère que vous y arriverez, de tout cœur. Je vous embrasse, Charline. Merci d'avoir participé, d'avoir pensé à ces enfants. 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est beaucoup trop, c'est un enfant sur quatre. Et grâce à vous, on peut faire changer les choses. On ne va pas régler le problème du jour au lendemain, ça c'est sûr. Mais si on peut leur apporter un peu de confort, si on peut les aider à avoir des activités, à être ne plus être exclus socialement, pouvoir participer à des sorties, à l'école, à pouvoir manger tous les jours comme il faut, eh bien ce sera déjà pas mal. Et grâce à vous, on peut le faire. 0800 30 007. On a besoin de vous. Il faut que vous appeliez ce numéro de téléphone pour faire vos dons et pour choisir la musique. Alors, vous pouvez aussi prendre des nouvelles de notre chat, Cubi, notre petit chat qui est rentré jeudi soir dans le cube. Et alors, non seulement vous pouvez prendre de ces nouvelles sur vivacité.be, mais vous pouvez aussi adopter notre petit Cubi. Alors, vous êtes nombreux à nous demander comment faire pour adopter notre chat. Eh bien, c'est simple, il faudra que vous nous chantiez cette chanson. Moi, vouloir être le chat, quand dehors il fait froid, attendre mon repas, Alors, ce serait un peu simple hein, si c'était juste chanter Powwow le chat. Pour adopter notre petit Cubi qui est vraiment adorable, hein, vous l'avez vu, je pense que c'est le chat le plus gentil au monde. Et il va falloir que vous nous disiez pourquoi vous seriez les meilleurs maîtres pour Cubi. Vous avez jusqu'à demain 14h sur notre site internet pour nous dire pourquoi vous voulez avoir Cubi et comment vous allez vous occuper de notre petit chat. Et ensuite, il y a un comité de sélection avec des membres de Viva for Life et de la SPA qui analyseront les lettres de motivation et qui choisiront un maître à Cubi. Et on compte bien l'envoyer dans une super famille qui prendra bien soin de lui. Il est adorable, on le voit en ce moment d'ailleurs sur le Life Center rtbf.be et sur Télécembre. Cubi, il faut savoir qu'en plus, il aime bien se montrer depuis qu'il est arrivé. Premier jour, vous l'avez peut-être vu sur internet et en télé, il était un peu timide, il était un peu dans son coin. Et puis maintenant, il aime bien venir faire des photos devant les vitres de Viva for Life, devant les vitres de ce cube de verre. Donc n'hésitez pas à venir si vous êtes dans le coin de la place de la digue, venir jouer un petit peu avec lui à travers les fenêtres. Il adore ça, notre Cubi. Donc vivaforlife.be si vous avez envie de l'adopter, vous nous dites pourquoi. Et demain, on saura alors, demain, ou en tout cas à la fin de Viva for Life, on saura où ira Cubi, peut-être chez vous. Dans un instant, de la musique, les Poppies. Non, rien n'a changé. Ce sera juste après la pause. Viva for Life, jusqu'au 23 décembre, c'est aussi en télé. Retrouvez Sarah Depardieu, Sébastien Delvaux et Cyril de minuit à 11h sur la Une et de 11h à 18h sur Télécembre. Et chaque soir, les meilleurs moments de la journée à 18h30 sur la Une et 22h30 sur Télécembre. Viva for Life, en direct de la place de la Digue à Charleroi, sur Vivacité, la Une, Télécembre et vivaforlife.be. Pas à Bruxelles acheter mes nouvelles chaussures. Ah, et pourquoi pas près de chez nous? On va quand même pas faire tous les magasins de chaussures du coin pour savoir s'ils les ont. Je cherche sur localizy.com. J'ai trouvé 4 magasins tout près de chez nous les proposent. Et en plus, chez l'un d'eux, elles sont en promo. Le commerce autrement. localizy.com. Les piscines Leisure Pulse, groupe Servimat, vous souhaite un joyeux Noël ainsi qu'une bonne année 2016. Et vous remercie de votre confiance. Ce soir sur la Une. Offrez des fleurs, c'est du bonheur. Pour que les fêtes soient plus belles, j'offre des fleurs naturelles. Alors pour Noël et l'année nouvelle, je prévois des brassées de roses, de freesia, de lys et d'amaryllis achetées chez mon fleuriste. Pour les fêtes, faites comme moi, pensez fleurs. Chérie, tu aimes toujours autant les huîtres? Ben évidemment! Eh bien, celles d'Intermarché, tu vas les aimer encore plus! Nos huîtres de Zélande sont délicieuses. Et en plus, elles sont en 12 plus 12 gratis. Soit seulement 49 cents la pièce. Vous aussi, fêtez plus, dépensez moins. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Sélection, bonjour. Oui, bonjour. C'est pour récenser un cadeau de Noël, s'il vous plaît. Noël n'est pas encore passé. Oui, mais j'ai perdu quelques dents, vous voyez. Et je sais que mon oncle, qui est un petit comique, va certainement m'acheter une brosse à dents électrique. Alors... Ah oui, je vois. Et qu'est-ce qui vous fera plaisir? Oh, un système audio Sonosmart. Seulement, je ne peux pas lui demander, ça lui ferait trop plaisir. Mais c'est simple. Choisissez le cadeau de vos rêves sur mysélection.be. On s'occupe d'en informer votre oncle. C'est pas vrai? Mais oui. Mais c'est super! Génial. Sélection, meilleur et pas plus cher. Que j'avais demandé si l'histoire d'un soleil, que j'avais espéré si l'histoire d'un amour, que je croyais vivant si l'histoire d'un beau jour, que moi petit enfant je voulais très heureux, pour toute la planète je voulais, j'espérais, que la paix règne en maître en ce soir de Noël, mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Avec nous et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui, pour prier. Pour prier. Oui, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que Yeah. je pense à l'enfant entouré de soldats. Moi, je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. Que j'avais demandé si l'histoire d'un soleil, que j'avais espéré si l'histoire d'un amour, que je croyais vivant si l'histoire d'un beau jour, que moi petit enfant je voulais très heureux, pour toute la planète je voulais, j'espérais que la paix règne maître ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Poppies, ça rapporte de l'argent les Poppies. C'est quelqu'un, c'est Paulette de Netten qui a demandé d'écouter les Poppies. 25 euros qu'on ajoute à cette cagnotte du For Life. Merci beaucoup pour vos dons que vous continuez à faire et la sélection de musique que vous faites. La musique a du cœur, on la partage ensemble pendant encore 52h47, 0830-007. Vous appelez ce numéro, vous faites vos dons et on écoute les musiques que vous demandez d'écouter. Alors un petit point sur les enchères, vous savez c'est aussi une façon d'aider Via For Life, c'est d'acheter tous les articles, tous les objets qui sont exposés ici dans ce cube. Certains n'y sont pas mais vous pouvez enchérir dessus. Alors par exemple, ce lundi, vous pouvez faire monter le compteur sur les gants du pilote de rallye Thierry Neuville. Très bonne saison pour Thierry Neuville. Vous pouvez acheter ces gants aux enchères. Il y a le disque de platine dédicacé de Muse. Muse qui a déjà fait le Muse for Life. C'était à l'ancienne Belgique à Bruxelles. Donc Muse qui soutient vraiment énormément Viva for Life. Et on les remercie. Le disque dédicacé, n'hésitez pas à enchérir dessus. Alors il y a le logo de la ville de Charleroi qui se trouve ici dans notre cube. Tous les artistes qui passent ici dédicacent ce logo de la ville. Vous pourrez l'avoir chez vous. Alors, on le voit sur le Live Center et sur Télésambre, c'est que notre ourson Teddy s'installe tranquille dans ce cube. Vous pouvez éventuellement en faire un petit fauteuil à la maison, ce sera design dans votre salon. N'hésitez pas donc, viaforlife.be, deuxièmemain.be pour pouvoir faire vos enchères. Il y a également le disque de platine de Francis Cabrel, si vous voulez avoir ça à la maison. Ne traînez pas, ce soir ce sera terminé, donc n'hésitez pas, viaforlife.be, on compte sur vous. Dans un instant, Madame Cause vient nous voir, Bénédicte Duval, qui nous parlera des associations qu'on soutient tout au long de l'année avec les dons que vous faites pour Viva For Life et puis de la musique qui arrive, Que je t'aime de Johnny Hallyday, tout ça c'est dans un instant. 10 francs qui dit mieux, 12 francs, 2 francs, 15 francs, 15 francs, 20 francs. Viva For Life, les enchères. Alors qu'aujourd'hui on fête Noël sur Facebook plutôt qu'à la maison et que l'on fait de plus en plus ses courses online, Colishop présente le retrait offline. Le retrait offline. Bon ben c'est quand même la même chose que le retrait tout court, non ? Oui oui, dans l'un de nos 350 points d'enlèvement. D'accord. Donc si j'achète un fer à friser à ma femme, il y a pas de livreur qui va venir chez nous ? Ben non. Ah ben tant mieux parce qu'il y a déjà assez d'hommes à sa porte quand je suis pas là. Ah ok. Non je rigole. Ah. Colishop, c'est commander online et retirer offline. Vivacité à Liège. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Les plus grands artistes de 2015 se mobilisent pour Viva For Life. C'est clair comme de l'eau, il le jure, dur comme fer. Francis Cabrel offre le disque de platine de son album In Extremis qu'il a signé aux enchères pour Viva For Life. Vous aimez Francis Cabrel ? Faites vite, cette enchère s'achève aujourd'hui. Toutes les enchères au profit de Viva For Life sont sur vivaforlife.be. Viva For Life, la musique du cœur, partageons-la. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur des montagnes, des forêts et des îles aux trésors. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur. Quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute autre voix. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Sans plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes. Que je t'aime, c'est ce qui a été demandé par Alain. 50 euros grâce à Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Vous êtes en forme cet après-midi? Oui, absolument. Vous êtes de quelle région Alain? Ben, du côté de Arles. Et alors, vous êtes fan de Johnny Hallyday? Ah, mais c'est surtout mon épouse. Hein. Comment elle s'appelle votre épouse? Parce qu'on a à peu près le même âge que Johnny, donc on est un peu de la même époque. D'accord. Ah, ça vous rappelle des souvenirs alors du Johnny Hallyday? Vous sortiez en boîte ben à l'époque? Oui. Absolument. Enfin, peut-être encore maintenant, vous sortez encore? Pardon? Vous sortez encore, vous allez en club, en discothèque? Ah non, pas du tout, non. Oh, je suis sûr que vous feriez ça pourtant très très bien. Je vous imagine Alain sur la danse sur du Johnny Hallyday faire un petit twist again. Ah, twist again, oui. Vous l'avez fait ça, hein? Oui, 61, 62. J'étais là, je vous ai vu. Alain, merci beaucoup d'avoir donné 50 euros. À bientôt. On va aller à la boîte aux lettres tout de suite sur la place de la Digue à Charleroi. Bonjour. Bonjour. Alors l'équipe de Charleroi, de Viva Charleroi, s'est mobilisée. Exactement. On a organisé une petite soirée culturelle dans un des plus vieux établissements de la ville. C'est les Templiers, place du Manet. Très important à dire. Et donc on a fait une petite soirée jazz et on a ramené 300 euros. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est le début. Hein. Mais comment ça, c'est pas grand-chose? Bien sûr que si. 300 euros. Vous imaginez si tout le monde donne 300 euros, mais alors là, Oui, ça fait beaucoup. Mais 300 euros qu'on récupère. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, c'est bien connu, hein. Exactement. Voilà. Et c'est pour ça que chaque don compte. On a besoin de vous. 0830007. Merci beaucoup pour ce chèque de 300 euros qu'on ajoute à la cagnotte Viva for Life. Et avec cet argent, on va pouvoir faire de chouettes choses. Bénédicte, Madame Cause est avec moi dans ce cube de verre pour nous parler justement de l'utilité de cet argent. Effectivement, et direction Namur avec la maison de nos enfants. Et nous avons par téléphone le directeur Roger Denis. Bonjour Roger. Bonjour. Alors, quel est le rôle de votre maison? Expliquez-nous. Eh bien, nous sommes une maison d'aide à la jeunesse, en fait. Nous avons été créés en 1973. Nous sommes installés en ASBL depuis 1992, si mes souvenirs sont bons. Donc, nous accueillons 38 enfants victimes de précarité, victimes de difficultés, pour tenter de les aider, effectivement, à reconstruire des liens avec leur famille, pouvoir réintégrer autant que faire se peut le milieu familial quand c'est possible. Est-ce que la précarité peut amener à des situations difficiles, voire graves, pour les enfants ? Oh, ben, vous savez, la précarité, ce n'est pas que faire attention au moindre sou au quotidien et renoncer à certains plaisirs de la vie. C'est plus un combat au quotidien. Et sans vouloir faire d'amalgame, ben, effectivement, une précarité parfois intense entraîne beaucoup, beaucoup de difficultés dans la vie, beaucoup de tensions, de stress au quotidien. Parfois des difficultés de couple aussi, la vie devient donc très très difficile, les parents finissent par perdre un peu confiance en eux, culpabilisent surtout en voyant les enfants des autres. On n'arrive plus à gérer les situations. Voilà, ils finissent par lâcher prise parfois aussi, et dans ces conditions, ben, ils sont encore beaucoup plus démunis, ils finissent par perdre leurs repères. Et donc évidemment, les enfants vivent ces conséquences au quotidien et il ne faut pas nier, c'est important donc d'aider et de soutenir les familles dans ce sens-là. Et c'est là que vous intervenez? Oui, tout à fait. On intervient en bout de course, je vais dire, dans les conséquences très difficiles de la précarité, sans vouloir dire que la précarité est synonyme de difficultés parentales, mais on arrive effectivement, nous, en bout de course, avec des enfants qui sont souvent abîmés et victimes des conséquences de cette précarité. Vous êtes témoin de cette précarité. Est-ce que vous avez l'impression que les choses sont de plus en plus difficiles ? Tout à fait, tout à fait. Ça fait... pas loin de 30 ans maintenant que je travaille dans ce domaine-là, et je pense qu'effectivement, de plus en plus, le pourcentage d'enfants en difficulté majeure, issus de la précarité, est en train de grandir, et les enfants sont de plus en plus jeunes. Je pense que les parents sont de plus en plus en difficulté, et que la masse d'enfants qui vivent ces difficultés est de plus en plus importante. Alors, vous sollicitez l'aide de Viva for Life, pour quelles raisons? Mais en fait, nous sommes implantés dans une région qui est très défavorisée au niveau mobilité. Nous sommes implantés à Beaurain, dans une très chouette ville, très jolie, avec une belle campagne, mais avec évidemment un énorme problème de mobilité. Il n'y a pas de transport en commun, si ce n'est un ou deux bus par jour. Les transports en train sont très fastidieux. Il faut parfois plusieurs heures à une famille pour venir rendre visite à leur enfant. Et comment on accueille ces jeunes en situation difficile, et notre mission justement tenter de revalider le lien avec les parents et de voir un petit peu de pouvoir les remettre en famille le plus vite possible. Nous accueillons ces enfants pour justement pouvoir maintenir ce lien. Et outre le fait qu'il est indispensable de les accompagner à l'école, par exemple, de pouvoir leur permettre d'aller rendre visite à leurs parents, d'aller à leur sport, de pouvoir aller à un rendez-vous médical. Dans les conditions de mobilité de notre région, c'est impossible de réaliser sans véhicule. C'est plus compliqué, évidemment. Ouais. Donc, et donc, nous avons demandé effectivement soutien de Viva for Life pour l'acquisition de véhicules pour permettre effectivement la reconstruction. Parce que quand on essaie de reconstruire et de revalider le lien avec la famille, les contacts se multiplient. Et quand on a la chance de pouvoir remettre un enfant en famille, ça se multiplie encore. Tant mieux. Mais ça nécessite effectivement énormément de kilomètres pour pouvoir permettre cette aide aux familles défavorisées. D'où cette demande auprès de Viva for Life. Voilà Cyril, merci. Encore un exemple de projet qui pourrait être soutenu par Viva for Life grâce à la générosité. On a besoin de vos dons parce qu'on n'est pas, c'est pas fini. Encore 52h35, et vous pouvez faire la différence si vous vous dites, tiens, j'hésite, il y a déjà beaucoup de gens qui donnent. Non, faites-le. Vraiment, on a besoin vraiment, de vous. Vraiment besoin de vous, monsieur l'a dit, l'urgence est réelle, les familles rencontrent des difficultés de plus en plus grandes, la situation s'aggrave, donc il faut agir. 0800 30 007, il y a cette fameuse déduction fiscale à partir de 40 euros. Le site vivaforlife.be et puis le SMS au 4001. Vous tapez votre numéro de compte suivi d'un espace, suivi du montant que vous souhaitez donner. Merci Bénédicte, on vous retrouve tout à l'heure. Juste après la pause, Louane, jour 1 qui a été demandé, et c'est encore de l'argent qui rentre dans cette cagnotte Viva for Life. 50 euros de plus. Et vous savez que Louane, c'est le 5e disque le plus demandé depuis le début de ce Viva for Life. Et n'hésitez pas à le demander, on l'aime bien. Viva for Life, avec nos partenaires. CCML Show soutient Viva for Life pour qu'aucun enfant ne souffre du froid. Avec le soutien de la Loterie Nationale. Viva.

Louane, jour 1, qui a été choisi par une auditrice qui n'est pas en Belgique. Via 4Life, ça dépasse les frontières. On avait des messages hier de gens qui étaient à Munich, qui étaient à Budapest aussi. Et puis là, c'est une commune française. La Neuville aux Jouets, c'est une commune située dans le département des Ardennes, en région Champagne et Ardennes. Et c'est 50 euros de plus qui ont été ajoutés grâce à ce don de Catherine. Merci à vous. Et c'est pour sa petite fille de 4 ans qui était fan de Louane. Si vous aussi, vous avez envie de choisir de la musique, n'hésitez pas. Alors, il y a plusieurs styles que vous pouvez choisir. Par exemple, en ce moment, sur la place de la Digue, il y a une chorale, on va aller écouter. Vous pouvez choisir ce type de chant, il n'y a pas de problème. On remercie la Pastourelle qui est en train d'animer la place de la Digue pour tous les carolos et les gens d'autres régions. Je viens de discuter avec Maël. Maël, ça fait une heure et demie qu'il était sur la route pour venir ici sur la place de la Digue. Donc rejoignez-nous et il y a des animations tout au long de l'après-midi. Mais dans un autre style, on peut partir sur quelque chose. Alors le choc peut être intense. Hein. On vient de passer de la chorale. Voici. Et c'est ici. N'hésitez pas à demander. 0830 007. Vous faites un don, vous choisissez CDC, on vous le passe. Pourquoi pas ce titre-là ? Si vous avez envie, si vous avez envie de vous déchaîner, si vous avez des longs cheveux, que vous voulez les secouer, vous pouvez ! Black Sabbath également, si vous avez envie, c'est possible. On n'a pas de limite ici pendant UFO Live, vous faites ce que vous voulez de vivacité. C'est à vous de choisir, c'est à vous de donner. Faites un don pour écouter la musique qui a du cœur et on la partage ensemble pendant encore 52h, 27 minutes et 48 secondes. On vous attend. Le numéro de téléphone 0800 30 00 07. On compte sur vous, les enfants, on compte sur vous. 80 000 à Bruxelles et en Wallonie qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 1 sur 4, c'est beaucoup trop et vous pouvez changer les choses. 0800 30 00 07. Voici Yannick Noah sur Vivacité. Donne-moi une vie. Bon lundi après-midi. Ailleurs et d'ici, des mendiants du Pérou, des gosses à la colle de Manille, montent une voix. De Calcutta en Haïti, des sous-sols de Moscou, des filles qu'on solde en Roumanie, une seule voix qui répète ça. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Chose à perdre aussi. Du Darfour brûlant à Grozny, des décharges en égout, des gamins vendus de Bali montent une voix. De Gaza, d'Irak, d'Éthiopie, des enfants soldats de partout, de Kaboul, de celle qu'on oublie, une seule voix. Répète ça. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, un demain à aujourd'hui. Quelque chose à perdre aussi. Donne-moi au moins le début d'un possible à finir. Donne-moi mieux qu'un jour de plus à tenir. Quelque chose à remplir qui me fera vieillir. Un avenir, un avenir. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, quelque chose à perdre aussi. For Life, c'est vos dons au 0830 007. Vous choisissez la musique, on en écoutera une nouvelle dans un instant, mais c'est aussi le Viva For Life Tour avec Benjamin Maréchal qui sillonne toutes les routes de Bruxelles et de Wallonie. Aujourd'hui, il est dans la région de Warem. Nous allons le retrouver juste après la pause. Écoutez, Eurocenter devient Kitchen Market. Et maintenant, un cadeau pour toi, ma chérie. La cuisine pour les nuls ? Super ! Joyeux Noël ! Parce qu'on a tous envie de bien cuisiner, aujourd'hui, il y a Kitchen Market. Petits et gros électroménagers, cuisine équipée, ustensiles Alice Délices et cours de cuisine. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Envie de faire votre shopping cadeau tranquillement chez vous? Rendez-vous sur kitchenmarket.be, surfez, cliquez, c'est livré. Un repas de fête 100% bio? Oui, c'est possible, grâce à Biofagne. Biofagne. Votre supermarché bio à Neupré et à Teux. Biofagne.be. Je suis un homme plein d'ambition. Vivacité présente Viva for Life, volume 3. La double compilation avec toute la musique de Vivacité. Ed Sheeran, Pascal Obispo, Marina Kaye, Milky Chance, Loïc Notet, Sia, Frérot de la Vega. Oh, Viva for Life, volume 3. 40 titres, la compilation qui a du cœur, au profit de Viva for Life, en vente partout et sur la boutique RTBF. I'm gonna get that rhythm back. Ce 24 décembre, Olivier Gilin s'invite à votre réveillon de Noël. Bonjour, c'est Olivier Gilin. Je vous souhaite un très joyeux Noël sur Vivacité. Viva Noël, ce 24 décembre, dès 19h. Le réveillon que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Les plus grands artistes de 2015 se mobilisent pour Viva for Life. C'est clair comme de l'eau, il le jure, Dieu comme fer. Francis Cabrel offre le disque de platine de son album In Extremis qu'il a signé aux enchères pour Viva for Life. Vous aimez Francis Cabrel? Faites vite, cette enchère s'achève aujourd'hui. Toutes les enchères au profit de Viva for Life sont sur vivaforlife.be. Beauty City. Beauty City, la plus grande parfumerie avec institut de votre région. Toutes les plus grandes marques, des centaines d'idées cadeaux, de nombreux soins en institut dans un cadre convivial et professionnel. Beauty City. Beauty City. Beauty City, la plus grande parfumerie avec institut de votre région, avenue François Cornès à Ewaï. Viva for life. Il est l'heure de retrouver Benjamin Maréchal. Benjamin, vous êtes dans la région de Ouarem aujourd'hui. C'est quoi le défi? Rappelez-nous, qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc je vous rappelle qu'on attend tout le monde sur la place Albert 1er à partir de 18h pour une partie mouillée, puisque nous avons installé une piscine de 8 mètres sur 6, que nous avons une plage avec du sable, que nous avons un glacier et que les habitants de Ouarem ont été très nombreux à se mobiliser pour nous amener des bouées. J'ai vu des crocodiles gonflables qui nous attendent, j'ai vu des petites filles qui venaient m'apporter un peignoir puisque tout à l'heure je plongerai. Alors pour le gros du matériel, on est bon, la piscine on l'a, le sable on l'a. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait un dernier problème qui était de trouver de l'eau. Il est pratiquement 15h et on vient seulement maintenant dans la région, nous sommes à Oreille, on vient seulement de trouver une entreprise qui peut nous fournir 50 000 litres d'eau. Voilà pourquoi derrière moi il y a un camion citerne qui va dans cette entreprise dont je ne vous donnerai pas le nom pour des raisons de sécurité. Eh bien un camion derrière moi est en train d'essayer de charger, vous voyez Julien qui est là avec le tuyau dans mon dos, il est en train d'essayer de connecter le tuyau de l'entreprise à la citerne. La difficulté, c'est que nous avons besoin de 50 000 litres d'eau, que tout doit être en place à 18h pile pour être capable d'être en direct à la télévision à 18h30 et que le petit camion que j'ai là va devoir faire 5 ou 6 trajets. Il est possible qu'on n'y arrive pas. Je dois vous dire, Cyril, qu'on serait très déçus si on avait la plage, les transats, le public et des gens en maillot, mais qu'on n'avait pas l'eau dans la piscine. Donc on va essayer de faire le maximum pour speeder un peu dans les rues de Ouarem. Et on vous attend tout à l'heure en maillot, en tenue de plage. Les plus courageux pourront plonger avec moi dans l'eau qui normalement devrait être tiède, car nous sommes dans une entreprise qui chauffe l'eau. Donc ça ne devrait pas être un bain de glaçons, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah ce serait pas mal, hein. Sinon vous allez être malade encore plus parce que vous avez votre voix qui part en vrille. Mais merci Benjamin de pas lâcher quand même pendant ce défi. On sait que c'est hyper intense avec votre équipe, que vous êtes sur la route toute la journée. Et faites juste attention parce qu'il y a effectivement Julien derrière vous dans votre dos avec un tuyau. Vérifiez bien qu'il le branche pas, qu'il le branche sur le camion, pas sur vous Benjamin. Ça peut faire mal. Faites attention à ça. Hein. Ah, je vais vous dire qu'à ce stade, parce que je vous entends de loin Cyril, on va pas la gaspiller, l'eau d'abord pour pas la gaspiller, et parce qu'on a besoin de 50 000 litres. Alors si j'en vois un qui renverse, il y aura des sanctions ce soir, j'aime autant vous le dire. Merci Benjamin, on suivra ça tout à l'heure. Le rendez-vous est pris en télé entre 18h30 et 19h20 pour la quotidienne sur la Une avec Adrien De Viver et Anne Lormac. Un énorme merci à Paul qui a fait un don de 100 euros pour écouter le Sampa de Richard Gottener. Un énorme merci. Vous aussi, faites vos dons. Choisissez la musique. 0830-007. On compte sur vous pour venir aussi ce soir sur la place de la Digue. Des 18h showcase du Grand Jojo qui sera là. Mister Cover également. Selena et Sophia. Et puis Bézac, Arthur. Et sans oublier la dégustation de vin d'Eric Boschmann dans le chalet dès 22h. N'hésitez pas à nous rejoindre tout à l'heure sur la place de la Digue ici à Charleroi. Ça va être encore une soirée de folie avec vous toutes et vous tous. Attention, grêle de bonnes affaires. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Bon après-midi à tous. Nuages éclaircis sur l'ouest du pays, mais un ciel qui commence déjà à se couvrir à nouveau à partir du littoral. Nuages un petit peu plus importants sur les reliefs. De la douceur, 7 à 12 ou 13 degrés, mais malheureusement assez bien de vent aussi, ce qui rend les sensations beaucoup moins agréables que ces derniers jours. Rafales de vent possibles jusqu'à 60 km à l'heure. Ce soir et la nuit prochaine, de la bruine arrive sur le pays. On retrouvera encore un ciel couvert demain matin et il faudra patienter pour retrouver des éclaircies. Demain, 9 à 13 ou 14 degrés, mais avec toujours ce vent assez fort de secteur sud-ouest. Peu de changements pour la fin de la semaine. On restera dans des courants doux, mais fréquemment humides, avec des zones de pluie qui seront plus marquées, notamment dans la nuit du 24 au 25 décembre. Les plus grands artistes de 2015 se mobilisent pour Viva for Life. Muse offre le disque de platine de leur album Drones qu'ils ont eux-mêmes signé aux enchères pour Viva for Life. Vous aimez Muse ? Faites vite, cette enchère s'achève aujourd'hui. Toutes les enchères au profit de Viva for Life sont sur vivaforlife.be. Salut, c'est Philippe Collette. Tout le plaisir est pour moi de parler de vos loisirs sur Liège Matin et Liège Aller-Retour. Belle fête de fin d'année à toutes et à tous. Ce soir sur la Une. Viva for Life. Salut, c'est Alice Sandelou. Salut à tous, c'est Thomas Dutronc. Salut, c'est Vianney. Faites comme nous. Soutenez Viva for Life. Viva for Life. Viva for Life. La musique a du cœur. Partageons-la. Faites un don au compte 8x0 37 37. Info vivaforlife.be. Aqualibi pense à tous les enfants et soutient Viva for Life. Red Market, vos courses moins chères, rapides et solidaires. Red Market soutient Viva for Life. Vous écoutez Vivacité, il est 15h. Le journal est présenté par Natacha Stragier. Bonjour, 5 personnes ont été interpellées lors de perquisitions à Bruxelles et à Laeken dans le cadre de l'enquête concernant les attentats de Paris. 2 ce matin et dès hier soir, 2 frères et un de leurs amis qui ont été privés de liberté. D'après le parquet fédéral, les perquisitions ont été menées à la suite d'une enquête téléphonique approfondie. Le parquet fédéral qui n'a pas confirmé la découverte d'armes ou d'explosifs. Le nouveau contrat de gestion de la VRT, la chaîne publique flamande, a été signé aujourd'hui. Comme prévu, la dotation publique sera réduite. Le gouvernement flamand veut que la VRT fasse des économies tout en continuant à investir afin de ne pas manquer le train de la transition numérique. Le site internet d'information de redaxi.be changera de nom au début de l'année prochaine et deviendra vrtnews.be. La police polonaise a découvert 178 kilos de cocaïne dans une cargaison de bananes venant de Colombie. La drogue représente une valeur de 25 millions d'euros sur le marché. La cargaison était dans un premier temps arrivée via la Belgique en bateau avant d'être acheminée vers la Pologne en camion. Le conducteur du véhicule a été interpellé. En Espagne, le Parti Socialiste et le Parti de Gauche Radical Podemos ont annoncé qu'ils voteraient contre l'investiture d'un gouvernement formé par le conservateur Mariano Rajoy. Le PS espagnol est la deuxième force politique du pays avec 22% des suffrages. Podemos est arrivé troisième avec 20,6% des voix. Le parti libéral Ciudadanos avait déjà annoncé un peu plus tôt qu'il s'abstiendrait. C'est la fin de ces infos. On va retourner à Charleroi tout de suite. Viva, l'info tout de suite avec Anne-Michel Blouberg. Que se passe-t-il cet après-midi? Eh bien, ça se passe plutôt bien sur nos routes. Juste à noter ce véhicule en panne sur le 42 Mons-Tournai. Autour de Blaton, c'est la bande gauche qui est neutralisée en direction de Tournai. Des embarras de circulation aux frontières vers la France, principalement sur le 17 Gand-Lille. Entre Albeck et Réquem, vous perdez là une trentaine de minutes. Et puis, on lève le pied sur le 313 envers Liège, principalement entre Tongres et Faix, où on signale la présence d'un radar. Vous vous êtes fait griller votre priorité ? Consolez-vous avec un toast de foie gras. Il est au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva for life. Viva for life. Avec Cyril. Bonjour tout le monde, si vous venez de nous rejoindre, c'est Viva for Life encore pendant 52h, 11 minutes, 18 secondes. On a besoin de vous, on a besoin de vos dons, 0800 30 007. Et il y a une autre manière de participer à Viva for Life, c'est de recueillir notre petit Cubi, notre chat. Je vous en parle dans deux secondes. Juste avant, je voudrais quand même rassurer ceux qui posent la question sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont sous la table, il y a des techniciens, ils ne font rien de mal. Regardez, je suis en train de vous les montrer si vous êtes sur le Live Center, si vous êtes sur Télésambre en train de nous suivre. Jetez un petit coup d'œil. Ça va les gars? Ça va, vous faites quoi là-dessous? Vous aimez vous cacher en fait, c'est ça? Vous faites une partie de cache-cache? On vous a vu, vous êtes en direct à la télé, on sait que vous êtes sous la table les gars. Ça tombe en panne, vous avez tout cassé? Oui? D'accord, bah si vous venez et que vous cassez tout, ça ne sert à rien hein, les gars. Regardez, il est caché où? Hop là, il se cache derrière le flight case. Trouvé, t'as perdu, t'es mauvais en cache-cache. 0830 007, je vous le disais, pour faire vos dons, pour choisir la musique. Et alors pour adopter notre petit Cubi. Ah, notre chat, ça c'est important. Vous êtes nombreux à nous demander ce qu'il va devenir. Eh bien, Cubi, une fois que Via for Life sera terminé, sera recueilli par une famille, peut-être la vôtre, si vous avez envie de l'avoir chez vous. Il faut faire quelque chose d'important pour l'avoir. C'est pas qu'on va le donner au hasard, ce sera pas un tirage au sort, pas du tout. Vous devez vous connecter à vivaforlife.be. Vous allez voir que vous devez faire une espèce de lettre de motivation. Vous devez nous dire pourquoi vous voulez Cubi et pourquoi vous êtes les meilleurs maîtres de Cubi. Ensuite, il y a un comité de sélection avec des membres de Via for Life et de la SPA. C'est la SPA de Charleroi qui nous a apporté Cubi ici dans le Cube. Ils vont ensemble analyser les lettres de motivation et puis choisir un nouveau maître à Cubi. Peut-être vous. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il est adorable, Cubi. Il a mis quelques heures à s'habituer, à s'adapter à sa vie dans le Cube. Et c'est un des chats les plus agréables au monde. Il ne griffe pas, il joue, il vient faire des câlins et il fait sa vie. La seule chose, c'est qu'il aime bien voir du monde, visiblement, puisqu'il vient souvent devant les vitres faire un petit peu le malin et poser pour les photos. Donc n'hésitez pas, si vous l'adoptez, à prendre des photos régulièrement de Cubi pour qu'il ne soit pas désorienté, puisqu'il aime ça, il aime les photos, il aime les caméras. Viaforlife.be pour faire votre lettre de motivation. On vous attend. Nina Simone, c'est ce qu'on écoute maintenant. Ça a été demandé par Lila. Lila qui sera avec nous juste après la chanson. Lilia, qu'on accueille juste après ça. Viva for life. stand for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style. And even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Excellent choix. Téléphone. Bonjour Ilia. Bonjour, bonjour. Ah, ça fait plaisir de vous avoir avec une voix si souriante. Comment ça va? Ben ça va, on fait aller. Alors vous avez donné 50 euros déjà. Merci beaucoup pour votre don. Et alors pourquoi est-ce que vous avez choisi cette chanson? Eh bien parce que je me rappelle que mes enfants regardaient la télévision avec l'animation, avec justement la tête du chat. Je voulais trouver une chanson qui puisse faire penser au chat, à votre mascotte Cubi. Cubi qui est installé tranquillement sur la table du studio. Là, il fait sa vie et il attend qu'on le prenne en photo, que le caméraman le filme. Voilà, il est tout content, il est bien là. Ah mais il est très bien avec vous, je pense. Eh bien, ça fait plaisir que vous ayez choisi cette chanson. On vous embrasse, on vous envoie des bisous du côté des Cossines. C'est là où vous êtes aujourd'hui, c'est ça hein. Enfin, même bien tout le temps ça, d'ailleurs. Oui. Parce qu'on est d'accord, vous ne déménagez pas tous les jours. Non, je n'ai jamais déménagé finalement. C'est vrai? Non. Vous êtes toujours resté fidèle à Ecosine? Toujours, oui. Et est-ce que vous êtes aussi fidèle en amour qu'en habitation? Oui, tout à fait. C'est bien. En même temps, vous n'allez pas le dire. 40 ans, donc vous, voilà. Vous n'allez pas dire le contraire en direct à la radio si monsieur écoute. Effectivement, il écoute, mais il le sait. Ah, d'accord. Ben, on vous embrasse, Ilia, à très vite. Merci. Allez. Pour votre don. Au revoir. Vous aussi, n'hésitez pas, faites pareil. 0800 30 007. Nous allons partir à la boîte à dons. La boîte aux lettres ici, installée dans ce cube de Via for Life sur la place de la Digue à Charleroi. Vous pouvez aussi venir parce que c'est vrai qu'il y a le téléphone pour faire le don. Mais si vous êtes dans la région, bah, ça nous fait plaisir de vous voir. Vous êtes le seul contact quand vous êtes ici sur place. Vous êtes le seul contact qu'on a en étant enfermé dans ce cube pendant encore 52 heures, 3 minutes et 57 secondes. On accueille tout de suite Cyclodance, enfin l'équipe de l'SBL pour la vie qui a fait un Cyclodance. C'est ça, bonjour. Alors avec la chorale qui est sur la scène, on va juste demander à la régie de monter le haut-parleur à l'extérieur parce que sinon on ne nous entendra pas à l'extérieur. Est-ce que vous m'entendez? Visiblement pas. On va juste régler l'histoire du haut-parleur et puis on revient dans un instant en direct de la place de la Digue à Charleroi. Donc apparemment ça fonctionne. Monsieur, vous nous entendez, parfait. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez organisé pour récolter de l'argent? Eh bien donc c'est la SBL vers la ville, la SBL provinciale qui a vendu des calendriers, mais l'originalité ce sont les personnes porteuses de handicap, donc les personnes extraordinaires comme on appelle à la province, qui ont vendu les calendriers au profit de Viva for Life et ils ont rapporté 8000 euros. Ah oui. On a voulu changer le système, donc ici ce sont les personnes handicapées qui sont mobilisées pour Viva for Life. Eh bien ça c'est un très beau chèque de 8000 euros qu'on rapporte, qu'on récupère ici et qu'on ajoute à la cagnotte Viva for Life grâce à ce magnifique geste. Ben, on espère pouvoir exploser le résultat de l'année dernière, 2 100 000 euros grâce à vous, on peut faire plus. Merci beaucoup monsieur d'être passé sur la place de la Digue et d'avoir récolté ces 8000 euros et on embrasse toute l'équipe qui est avec vous. 0830 007 pour choisir la musique et pour faire un don. Les enfants comptent sur vous. Un enfant sur 4 à Bruxelles et en Wallonie qui vit sous le seuil de pauvreté, il faut que ça change et ensemble on va y arriver. Viva for Life, avec nos partenaires. CCML Show soutient Viva for Life pour qu'aucun enfant ne souffre du froid. Avec le soutien de la Loterie Nationale. Pour les fêtes, moi, j'aime quand il y a plein de bonnes choses. Ah, nous aussi, les bonnes choses, on aime quand il y en a plein. Un petit. Oh oui, monsieur Marc. Et c'est pour ça qu'on met plein de crevettes grises dans nos bonnes croquettes maison. Et en plus, elles sont faites à la main. C'est pour ça que ce sont de vraies croquettes maison. Sauf que bon, elles sont pas vraiment faites dans ma maison. Moi, j'habite toujours avec ma maman. Elles sont faites ici, chez Carrefour Market. Oui, on a compris, petit. On a compris. Vous êtes sûr? Jusqu'à jeudi, chez Carrefour Market, nos croquettes fraîches de crevettes grises sont en 3 plus 1 gratuites. Vous les trouverez à la poissonnerie. Joyeuses fêtes! Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Offrez des fleurs, c'est du bonheur. Pour que les fêtes soient plus belles, j'offre des fleurs naturelles. Alors pour Noël et l'année nouvelle, je prévois des brassées de roses, de fraisias, de lys et d'amaryllis achetées chez mon fleuriste. Pour les fêtes, faites comme moi, pensez fleurs. Dans un monde qui change, vos sentiments ont encore plus de valeur. Jusqu'au 15 janvier, soutenez les banques alimentaires en déposant vos centimes rouges et jaunes dans les tirelires présentes dans les agences BNP Paribas Fortis ou Fintro.

Faites comme lui, il nous dit félicitations et merci pour l'idée et le boulot. Mais merci à vous de faire vos dons. 0830 007. On a besoin de vous, on compte sur vous. Et Yves est là au téléphone. Salut Yves. Bonjour, bonjour. En forme cet après-midi? Ah ben je suis en forme, oui, j'ai pris un petit jour de congé, donc c'est parfait. Ah ben c'est bien. Ça me permet de vous écouter encore mieux. Ah ben, ça fait super plaisir. Yves, okay. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de ZZ Top? Vous écoutiez ça sur votre moto? Pas tout à fait, parce que j'ai préféré les voitures, je préfère être carrossé. Ah. Ben, par contre, la carrosserie, pour ceux qui connaissent le clip de Lex, c'est assez super. Et bon, je suis un ancien, donc... C'était top, c'est toute mon équipe, mon époque. Hein. Vous avez fait des bêtises là-dessus. J'ai 63 ans, donc ça va, je connais. Vous avez fait des bêtises sur cette chanson? J'en ai fait plusieurs, oui, ouais. Oui, à une époque, fatalement. Alors, une au hasard, balancez, il y a prescription, vous pouvez. Une au hasard, ouais. Écoutez, ça a été... j'ai fait une partie à trois, donc ça va, c'était pas mal. D'accord, eh ben merci d'avoir fait votre don, merci d'avoir... Ah, vous me dites une bêtise, c'est une bêtise. Ah bah tout à fait, bien sûr. J'étais pas marié, hein, donc c'était déjà très bien. De toute façon, après, vous faites ce que vous voulez, on n'est pas là pour contrôler. Hein. On vous fait des bisous, merci pour votre don, merci pour votre choix de chanson et à très vite. Je vous ai découvert grâce à Julie, compagnon, donc c'est pas mal. Ah ben oui, avec qui j'anime le 5 à 7 tous les après-midi en temps normal. Je t'écoute tous les soirs quand je... rentrer du boulot. Quand vous voulez, mais vous pouvez pas, c'est ça, vous voulez, mais il y a quelqu'un qui vous retient. Voilà. Je vous embrasse Yves, merci, à bientôt. Continuez à faire vos dons, à choisir la musique 0830 007 et venez sur place ce soir, c'est la journée la plus longue de cet hiver aujourd'hui, on est en solstice d'hiver, parce que sinon ce serait... alors c'est l'inverse, on est en train de me dire que je raconte des conneries, donc c'est la journée la plus courte, la nuit la plus longue. Alors la nuit la plus longue, pas pour nous ici dans le cul parce qu'on dort pas beaucoup, ça veut dire que ce soir il fera noir sur la place de la digue, peut-être encore plus tôt, même sûrement encore plus tôt que d'habitude, et il y aura du coup une ambiance un peu particulière avec toutes les petites lumières de ce marché de Noël, ça vaut le coup, venez passer un bon temps ici sur la place de la digue et dans un peu plus d'une heure déjà la nuit tombera. J'ai l'impression d'être Denis Collard qui fait un point sur la météo et sur les éphémérides du jour. 16h38 exactement, le soleil ira se coucher, on lui souhaitera une bonne nuit tout à l'heure en direct à la radio, ça n'a jamais été fait et pourtant je pense que ça peut être un moment hyper intéressant. 0830 007, vous choisissez la musique, vous partagez la musique qui a du cœur et on écoute vos morceaux préférés. Ce soir, il y aura de la musique ici, sur place, sur la place de la digue, dans le noir du coup, puisque ce sera la journée la plus courte, la nuit la plus longue. Il y aura Jules César de Grand Jojo. Grand Jojo qui sera là. Ça, ça va mettre de l'ambiance. Il y aura aussi Bessac Arthur. Sous le ciel du Nord, je m'envole. Bézac Arthur qui sera avec nous dans le cube dans un instant, ne bougez pas. Juste avant, on écoute une sélection de chansons. C'est Geneviève de Gouvy qui a demandé d'écouter How Deep Is Your Love de Calvin Harris. Mes trois enfants adorent cette musique et régulièrement Germain qui a 10 ans se déhanche sur cette zik. Jeune, bah c'est pour vous jeune. I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like nirvana? Hit me harder again. How deep is your love? Deep is your love. deep in your love. How deep is your love, c'est ce que vous avez demandé. Bah, si vous demandez, on passe. Dès que vous mettez un petit sou pour le passer, sur vivaforlife.be ou alors au call center 0800 30 007. Jean-Marc de Serre est sur place, oui, au call center Enalo à Gosselies. Dites-moi qu'il y a plein d'appels. Il y a plein d'appels et j'ai surtout... Enfin si, c'est le plus important effectivement, ce sont les appels qui sont de plus en plus importants de jour en jour. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous Cyril. Dites-moi. J'ai trouvé quelqu'un qui chante beaucoup mieux que moi, Considéré délivré, la Reine des Neiges. Alors, j'ai Bénédicte qui est à côté de moi, qui est bénévole, hein, qui décroche le téléphone. Elle va nous faire un bon petit délivré, libéré de derrière les fagots, on écoute. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourments, de sentiments. Libéré, délivré, je ne m'oublierai plus jamais. Voilà, libéré, Jean-Marc à vous, délivré. Non. Je ne pleure pas. Allez Jean-Marc, je suis délivré. Très bien Jean-Marc. J'ai plus le texte, j'ai le texte sous les yeux mais il est parti. J'ai un message de Maureen Louise qui dit pas possible pour Jean-Marc dans The Voice. Dommage. Dites Cyril, j'ai Patricia également à côté de moi qui va nous chanter quoi, qui va pas chanter mais qui est président d'une ASBL qui a bénéficié l'année dernière des dons de Viva for Life et qui est téléphoniste, qui est bénévole également cet après-midi ici à Enalo. C'est super sympa. À Gosselies. Et Patricia, votre ASBL c'est... Donc l'ASBL Rix Enfants. Donc c'est une maison d'enfants qui accueille 114 enfants donc pendant que les parents travaillent ou sont à la recherche d'un emploi. Et donc vous avez décidé de déposer un projet l'année dernière. Vous avez eu de l'argent, hein, pour améliorer votre infrastructure. Oui, nous avons reçu 20 000 euros. Et ces 20 000 euros, en fait, c'est pour ouvrir des nouvelles places. C'était 15 places et nous devons encore en ouvrir une dizaine. Et donc nous avons ces 20 000 euros pour pouvoir acheter du matériel pédagogique ou périculture, etc. pour l'ouverture de ces places d'accueil. Et vous avez décidé cette année de venir consacrer du temps ici à décrocher le téléphone. Ben oui, justement, je pense que c'est très important de rendre ce qu'on reçoit et d'être bénévole, de venir répondre. D'ailleurs, c'est très gai en plus parce que les gens sont très sympas et c'est très émouvant. Et je vous rappelle, hein, que si vous formez le 0800 30 007, vous pouvez demander le ou la bénévole que vous désirez. Et je vous jure que c'est arrivé tout à l'heure, on a demandé après Hakim, notre jeune décrocheur de téléphone de 13 ans. Il devient une vedette, hein, ici. Eh ben, n'hésitez pas à demander à Hakim, c'est très gentil à lui de prendre sur ses vacances pour être là au call center Enalo. Jean-Marc, il y a encore des lignes qui sont libres, il faut que les gens appellent plus encore. Absolument, il faut que ça crépite dans tous les sens ici, ça crépite déjà pas mal, mais pas encore suffisamment. Donc 0800 30 007, ce sont, je sais pas combien de chiffres ça fait, tiens. Ça. Ben, comptez vite, 0800 30 007, 9 chiffres. Voilà, les 9 chiffres à composer absolument. Et ils sont gratuits, hein, on le rappelle. C'est un numéro d'appel entièrement gratuit. Ce qui compte, c'est le don qui doit être très très important. On compte sur vous. Exactement, vous faites votre don, vous choisissez la musique. Et on l'écoute dans un instant d'ailleurs, avec Richard Cochante qui arrive.

Pas trop fatigué, non, ça va, j'ai dormi, j'ai bien dormi cette nuit, de 8h30 à midi et demi, quelque chose comme ça. C'est une grosse nuit pour nous, c'est une grasse matinée. Installez-vous là-bas autour de cette table, soyez la bienvenue dans ce studio de verre ici à Charleroi. Il y a un artiste qui arrive dans un instant, Bessac Arthur, qui sera avec nous, ce sera dans quelques petites minutes. Et vous êtes là, vous soutenez la cause Viva for Life, installez-vous là, il n'y a pas de problème. On est en direct sur Télésambre, on est en direct aussi sur le livecenter rtbf.be. Vous êtes ministre de l'Emploi et de la Formation en région Wallonne. Et du coup, Viva for Life, ça vous concerne en quoi? Dites-nous pourquoi ça vous parle, Viva for Life. Bah, Viva for Life, c'est une opération à large échelle, in fine, avec un beau soutien RTBF oui. pour un coup de projecteur sur la pauvreté infantile. Et ça doit nous toucher, ça doit nous parler, comme le disait le délégué aux droits de l'enfant qui a réalisé une étude dont les constats sont... pour moi, même angoissant par rapport à l'avenir de notre société. On ne peut pas se permettre de voir une société aujourd'hui, au XXIe siècle, avec l'état économique qui est le nôtre, permettre une telle pauvreté, et en particulier dans des familles où les enfants sont les premiers à souffrir. Alors on dit, par exemple, que l'enseignement est gratuit, mais inévitablement, les enfants qui n'ont pas les moyens... Il y a des coûts, il y a des activités extrascolaires. ...certaines organisations. Ouais. On peut penser aussi que... Les parents endettés font qu'à un moment donné, les enfants se sentent gênés parce qu'ils n'auront pas les moyens de participer. Bref, ça a plus d'impact qu'on ne le pense. Et les enfants subissent un peu ce phénomène de repli sur soi, ce qui est extrêmement malheureux. On doit pouvoir les aider à s'en sortir. Hier, dans l'après-midi, on a eu un témoignage d'un papa qui s'est fait licencier de son travail, qui ne pouvait plus assurer pour ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait quand on est dans ce cas-là? Comme vous êtes ministre de l'Emploi, est-ce qu'il y a des structures qui sont mises en place pour pouvoir soutenir ces familles? Bien évidemment. Donc, il y a des cellules de conversion, par exemple, lorsqu'il y a des licenciements massifs, mais au quotidien, à la fois les services publics de l'emploi, comme le Forum, mais aussi des ASBL, des associations d'insertion socio-professionnelle, s'activent chaque jour pour permettre de faire en sorte que des personnes qui ont perdu un emploi puissent retrouver le chemin du travail et repermettre à la famille de gagner les moyens de vivre une vie digne. Et ça, c'est un travail au quotidien. Je voudrais d'ailleurs saluer tous ceux qui, chaque jour, travail d'arrache-pied à ses objectifs. Ce n'est pas simple. On connaît les chiffres du chômage qui ne sont pas excellents chez nous. Et au contraire, il faut se battre pour donner plus d'emplois et plus d'emplois aux familles qui, notamment, sont des familles monoparentales. Et on sait, par exemple, que l'on soutient pleinement les haltes-garderies oui. ou les endroits où des parents, même s'ils n'ont pas d'emploi, s'ils sont malheureusement demandeurs d'emploi, puissent déposer leurs enfants pour pouvoir chercher un travail. Jusqu'à présent, ce n'était pas tout à fait dans les états d'esprit. Aujourd'hui, on sait qu'il faut permettre aux jeunes parents d'avoir du temps et de pouvoir confier leur enfant à des structures que la région Wallonne, bien entendu, soutient, que le gouvernement Wallon soutient pleinement au travers des aides à l'emploi, oui. au travers de ce que vous connaissez, les fameux points APE et de toute une série de soutiens financiers. Alors, malgré tout ce qui est mis en place, on a besoin de vous. Hein. 0830 007, c'est une question, une remarque qui revient de temps en temps sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi est-ce que Viva for Life existe? Pourquoi est-ce que ce n'est pas les politiques qui règlent le problème? Parce que nous avons besoin de tous. Les politiques ont leur rôle à jouer. Et d'ailleurs, je vois qu'ils se succèdent aussi auprès de vous. Ça veut dire que nous sommes pleinement main dans la main, tous ensemble. Chaque geste va compter, que ce soit le geste d'un politique qui est présent aujourd'hui au micro pour essayer de faire porter la cause avec vous, ouais. que ce soit les auditeurs ou les téléspectateurs ou ceux qui regardent au travers d'Internet pour qu'ils puissent faire un don ou tout simplement téléphoner pour réclamer une chanson ou tout simplement agir bénévolement. Et à cet égard, je voudrais aussi souligner des actions comme celle qui se passera ce soir à Namur avec l'ASBL pour la dignité, qui organise un repas solidaire pour plus de 800 personnes, et ce sont des familles, il y aura beaucoup d'enfants, et je crois que ce sont ces actions-là au quotidien qui feront que nous représentons une société véritablement digne de ce nom. Alors, vous êtes ministre de l'Emploi et de la Formation en région Wallonne, c'est Éliane Tillieu qui est en direct avec nous. L'image des politiciens, c'est souvent un peu strict. On va essayer de se lâcher parce que Viva for Life, c'est aussi une grande fête. On est tous ensemble, mettez votre casque et on va faire un petit truc tout simple. Vous savez qu'on choisit la musique dans Viva for Life, tout le monde appelle le 0830 007 pour faire un don, pour choisir la musique et partager la musique qui a du cœur. Si vous deviez choisir une musique, ce serait laquelle? Alors, si je pouvais choisir une musique, je choisirais par exemple Renaud avec Mistral gagnant. Alors, comme là tout de suite je ne l'ai pas sous la main, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir la chanter. Ah non. Ah si. Ah si. Ah, ça n'est pas correct ça. Oh, mais je suis sûr, ouais, voilà, vous faites un duo avec Renaud. Regardez les gens tant qu'il y en a. De parler du bon temps qui est mort, qui reviendra. Serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer

Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens. Ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une pause. Pour ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou. Black M qui a été demandé par Aymeric de Wavre, il a donné 5€. Vous aussi faites un don, 5€ ou plus, à partir de 40, c'est déductible fiscalement. N'hésitez pas, lâchez-vous, faites-vous plaisir du coup et faites plaisir aux enfants qui comptent sur vous. 0800 j'ai oublié le numéro. 0830 007. On le répète tout le temps et pourtant voilà, il a disparu de mon petit cerveau. Tout petit, donc il n'y a pas beaucoup de place. Il y a quelqu'un qui arrive tout de suite dans ce cube de verre sur la place de la Digue à Charleroi. Qui est-ce? Ben c'est Bessac Arthur qui est là. Bienvenue les gars. Alors prenez, installez-vous, mettez vos casques, prenez vos micros. Et alors il y a le petit Théo aussi qui est là. Théo qui a joué dans le dernier clip, Le Ciel du Nord. Bienvenue à vous. Comment ça va? Alors prends le micro au hasard devant toi. Est-ce qu'il y a un micro devant toi? Bon, on va commencer avec toi Théo. Ça a été le tournage du clip? Oui. Ouais, t'as aimé faire ça? Ça me dérange pas et j'aime bien. Ça te dérange pas et t'as envie d'être acteur plus tard? Ça dépend si je trouve un autre métier que j'aime bien. Ah, sinon t'as une autre idée en dehors d'acteur? Tu sais, les acteurs peuvent sortir avec les filles comme Angelina Jolie. Tu vois, ouais, je serai acteur. Ouais, du coup, tu seras acteur. T'as bien raison. Vous avez pas de son? Alors, tu peux. C'est un peu technique, mais en fait, il y a des prises casque juste de l'autre côté. Donc, tu peux te mettre de l'autre côté de la table. Bézac Arthur, qui est présent dans ce cube de verre pour Viva for Life. Ça fait plaisir. Merci d'être là. Alors, ton micro est en panne. Il y a l'équipe technique qui a essayé de le réparer. Mais prends juste le micro de Théo. Voilà, on fait des petits réglages en direct. Y a pas de problème. Alors, pourquoi participer à Viva for Life? Pourquoi? Je pense que c'est une opportunité de pouvoir donner aux autres, surtout dans cette période. Ouais. Et c'est une petite pierre à l'édifice. Et voilà, c'est souvent on se dit comment changer le monde, comment faire des choses incroyables. Pour moi, il n'y a pas d'énormes solutions, c'est que des petites solutions. Et c'est au jour le jour. Et voilà, c'est une occasion que les gens ont de le faire. Et donc voilà, il faut en profiter. Et ben on pourra vous voir ce soir ici sur la place de la Digue à Charleroi en showcase. Bézac Arthur qui sera donc ici tout à l'heure, tu confirmes hein, oui, on sera là. Pourquoi Bézac Arthur d'ailleurs? Pourquoi Bézac Arthur? C'est un nom, mon projet d'artiste donc, que j'ai trouvé en 2009 et qui est de mes origines en fait de Bob Dylan à la base. Donc j'adore ce ouais. chanteur et le poète Arthur Rimbaud. Donc Dylan avait choisi son nom par Dylan Thomas et moi ouais. j'avais fait avec Arthur Rimbaud et Bézac c'était mon surnom. Donc voilà, du coup, Bézac Arthur. Voilà. Et tu voyages beaucoup, t'adores aller t'inspirer de ce qui se fait dans le monde entier quoi, pour faire c'est ta ça, musique. Ouais. C'est surtout les gens aller à la rencontre des gens, voir comment ailleurs, comment les gens vivent, comment voilà, voir que finalement on est tous pareils. Énormément de richesse et j'essaie de mettre tout ça dans mes chansons. Une image que tu peux peut-être ressortir d'un voyage, quelque chose qui t'a marqué quelque part? Il y a tellement de choses. Je pense que c'est pas évident quand on voyage beaucoup d'avoir un truc. Quoi. C'est un des pays qui m'a le plus marqué, c'était l'Inde. Quoi. Oui, c'est tellement à l'opposé de ce qu'on a ici. Ouais. Nous, dans nos zones de confort, etc. Là, on est très, très éloignés dans des environnements assez salés. Oui, c'est fou. Ouais. Les gens sont d'une ouverture et d'une générosité aussi très grande. Donc c'est, ouais. Tu voyages beaucoup dans le monde, mais aussi en Belgique, puisque tu es venu tourner le dernier clip Le ciel du Nord, ici à Charleroi. Ouais, pourquoi ce choix? Avec Théo. Avec Théo, il a bien fait ça, Théo? Ah, il était super, je crois que là il a démarré sa carrière. on va partager le clip, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Viva for Life, et puis tout à l'heure vous nous ferez le plaisir d'être en live sur la place de la Digue. Showcase tout à l'heure dès 18h, venez faire un tour, mais on va vous donner envie aussi. Tu vas t'installer derrière le micro, on va se faire une petite session live ici, en direct. Super. Du cube. On va faire ça. Alors tu peux repasser le micro avec Théo pendant ce temps-là, enfin le micro à Théo, parce que le micro avec Théo, ça ne veut rien dire, t'es d'accord Théo? Voilà, tu dirais ça à l'école, ta prof te dirait, tu racontes n'importe quoi. Ouais. Ça va à l'école, ça se passe bien? Oui, mais... Parle bien dans le micro. Oui, c'est un peu ennuyant. C'est un peu ennuyant l'école? Ouais, ça va. Heureusement, t'es en vacances là pour le moment. Ouais. Qu'est-ce qui t'ennuie à l'école? Parce que moi je vais te dire, à l'école à peu près, tout pour moi. En ce qui me concerne, à l'école, il n'y avait rien qui m'intéressait. Mais il faut quand même passer par là. J'aime bien juste la récréation, sinon... T'as raison. Travailler. Vous jouez à quoi dans les cours de récré? Parce que moi, quand j'étais petit, c'était les billes, il y avait les flippos aussi. Et toi, c'est quoi maintenant la mode dans la cour de récré? Touche-touche. Touche-touche, tu joues à touche-touche avec les copines? Non, avec les garçons. Avec les garçons, hein, d'accord. Et il y a une chanson que t'aimes bien, toi, en ce moment? Il y en a plusieurs que j'aime bien. Par exemple, une au hasard, c'est quoi? Celle du Nord, je l'aime bien. Parle bien dans... Celle du Nord, je l'aime bien. Ouais, forcément. T'aimes tout? Un peu, ouais. Black M, t'aimes bien? Celui qu'on vient d'écouter, là, il y a un instant? Ouais. Sur ma route, tu connais la chanson? Oui. On se la fait à deux, en attendant que Bézac Arthur s'installe. Alors, t'es prêt? 3, 4. Sur ma route, oui, il y a eu du mouvement. Oui, de l'aventure dans le movie. Une vidéo. Voilà, on chante complètement en décalé parce que la régie n'a pas mis au même endroit. Mais ils sont fatigués aussi en régie. On les embrasse, toute l'équipe qui est derrière. Toi, t'es passé par la régie, il y a du monde qui travaille. Hein. Ouais. Ils sont top derrière. Théo, on va s'installer, on va écouter Bézac Arthur en live depuis le cube. Pendant qu'ils chantent, tu viens avec moi, on va se mettre dans le salon avec eux, on va s'installer tranquillement. On va écouter ça et c'est à suivre en direct sur Télésambre, sur le Live Center, rtbf.be. Et pendant cela, continuez à appeler, ne vous arrêtez pas, 0800 30 007. Voici Bézac Arthur en live du cube de Vert, sur la place de la Digue à Charleroi. Il s'envole sous le ciel du Nord. Il s'envole, il s'envole. Il habite ma rue, ce garçon de 10 ans. Il se demande s'il pourra y rester très longtemps. Il joue à faire pom-pom, mais pense comme les grands. En déployant ses ailes, il m'a chuchoté au tympan. Sous le ciel du Nord, je m'envole. Sous le ciel du Nord, l'orage vient en riant. Il dit j'ai ce ciel pour danser au-dessous. Un bout de l'Europe pour m'échapper et faire le fou. Si je m'envole au loin, seras-tu le caillou où j'agripperai les mains, j'en rirai et c'est tout. Sous le ciel du Nord, je m'envole. Sous le ciel du Nord, l'orage vient en riant. Dans son pays d'origine, il mange des racines, des carcasses de poissons et des balles de carabine. La plupart du temps, il doit la jouer fine. Porter un lourd fusil et ne pas courber les chines. Sous le ciel du Nord, il s'envole, il s'envole. Sous le ciel du Nord, l'orage vient en riant. Je ne l'ai pas revu, ce garçon de 10 ans. Car hier, il a reçu une lettre qui dit va-t'en. On ne le verra plus au tirer dans le vent et fuir comme ses parents en se cachant tout le temps. Sous le ciel du Nord, il s'envole, il s'envole. Sous le ciel du Nord, il s'envole, oh comme un grand. Sous le ciel du Nord, l'orage vient en riant. Énorme. Bézac Arthur en live du Cube. Applaudissements, même si je suis tout seul. Sur la place de la Digue, applaudissez Bézac Arthur en direct du Cube. On vous retrouve tout à l'heure en direct aussi sur la scène, sur le podium ici, pour le choquer. Soyez là aux alentours de 18h. Merci beaucoup les gars d'être passés nous voir. Merci à toi. À très vite. Et merci de soutenir Viva For Live. Vous aussi, vous soutenez Viva For Live. Vous faites vos dons. On compte sur vous. 0830 007. Ce numéro de téléphone, si vous ne l'avez pas encore composé, il est grand temps de le faire. Alors, c'est vrai, il reste encore 51h et 16 minutes. Mais quand même, ne traînez pas, parce que si on reporte, après on arrivera à la fin, ce sera trop tard. Donc on compte sur vous, 0830 007, vous choisissez la musique, vous faites un petit don et on partage tout ça ensemble. Dans un instant, les infos de 16h, on vient juste après, nouvelle heure de Via For Life avec à nouveau vos choix de musique. Et on continue à discuter ensemble sur les réseaux sociaux, on vous attend, vivaforlife.be et le hashtag Viva For Life à utiliser sur Twitter. Encore plein de folie, plein de bonne musique, plein de belles histoires qui arrivent juste après ça. A tout de suite. Enrico Macias et les 500 choristes. Concert exceptionnel à la Grande Église de Banneux Notre-Dame, dimanche 24 janvier. Retrouvez Enrico Macias, cet artisan de la paix, dans une ambiance très familiale, accompagné par 500 choristes. Un beau cadeau à offrir pour les fêtes, avec Beobank, Fleron, Herve, Pepinster. Info solmania.be. En mal d'idées pour les fêtes, offrez du bien-être. Une pause soin ou détente à l'espace 22. Voilà un cadeau qui ne s'échange pas. Sauna, hammam, jacuzzi, de nombreux soins en institut ou même chez vous. Espace 22, c'est aussi une parfumerie sur 800 mètres carrés. Découvrez nos chèques cadeaux. Espace 22, c'est tout ce que je veux. Rue de la station à Ons et sur espace22.be. Papa, tu sais que l'ADEPS a 60 ans. Ah oui, belle preuve d'expérience. Je me rappelle mon premier stage ADEPS. J'avais 8 ans. C'était du tennis, en internat, à Spa. Alors, tu m'inscris ? Avec l'ADEPS, le sport, c'est à tout âge. Info et inscription sur adeps.be ou 02 413 25 00. Avec vivacité et l'avenir. Découvrez dans votre Lidl la gamme délicieux. Avec cette semaine, la dinde à 3,79 euros le kilo. Pour Noël, préparez une belle dinde farcie à votre famille. Parce qu'à la fin du repas, c'est la bûche glacée que vous allez vous farcir. Et les blagues de tonton Georges. Les produits frais de chez Lidl, pour tout ce qui compte. Vous écoutez Vivacité, il est 16h. Le journal est présenté par Natacha Stragier. Les patrons du syndicat CGSP cheminots se réunissent en ce moment pour se pencher sur les propositions du gouvernement. Le fédéral veut désigner des conciliateurs qui devraient rapprocher les points de vue dans le cadre du conflit social, mais demande en échange la suspension du préavis de grève déposé pour janvier. La CGSP accepte de négocier, mais demande en contrepartie de repartir d'une page blanche. Une réunion commune avec la CSC Transcom devrait aussi se tenir. Le préavis ayant été déposé par les deux syndicats. Une centaine de personnes ont manifesté devant l'Office des étrangers à Bruxelles pour exiger notamment la fermeture des centres fermés et la régularisation des sans-papiers. Samedi, un candidat réfugié congolais s'était suicidé à Votem. Il aurait dû subir le lendemain sa deuxième tentative d'expulsion. D'après une ONG, il vivait en Belgique depuis 15 ans. Les curateurs du groupe de pâtisserie Le Bon Grain ont indiqué qu'il y avait un candidat pour la reprise des activités de Morlaix. Il serait disposé à reprendre 65 travailleurs sur les 280 que compte le site. La police fédérale des chemins de fer a saisi plus de 200 objets au cours de 4 perquisitions menées la semaine dernière. Des écrans plats, des vélos, 73 iPhones, 33 tablettes tactiles, 20 ordinateurs portables, 19 appareils photo et 35 paires de chaussures contrefaites. 6 personnes ont été interpellées dans ce dossier, 2 placées sous mandat d'arrêt. Ces perquisitions s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête judiciaire concernant un réseau de receleurs actifs à Bruxelles. En France, un homme a été interpellé et placé en garde à vue à son arrivée à l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris après la découverte d'un objet suspect sur un vol reliant l'île Maurice à Paris hier. L'avion avait dû se poser au Kenya et être évacué. Selon plusieurs médias français, l'homme serait un ancien policier. L'engin découvert dans un petit placard des toilettes de l'avion était un ensemble de cartons de papier et d'un système ressemblant à un minuteur de cuisine. C'est la fin de ces infos. On va retrouver Cyril. Et on on fait un point RTBF Mobile Info. Quelle est la situation à 16h02 sur les routes? Eh bien Cyril, on sent que ce sont les vacances. Ça se passe bien dans l'ensemble et globalement. Cela dit, quelques embarras toujours pour passer la frontière sur le 17 Gand-Lille. Entre Albeek et Rekem, vous perdez encore une trentaine de minutes en direction de l'Hexagone. Les embouteillages vous font bouillonner? Ça ira mieux autour d'une bonne fondue. La viande est au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Le guide gourmet de Cora. Des milliers d'idées pour les gourmets gourmands. Et aussi pour les gourmands gourmets. Des fêtes comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Viva for life. Viva for life. De 14h à 18h avec Cyril. On compte sur vous, 0830 007. Attention, la musique est du cœur, il faut la partager. Cette musique-là, elle vous dit un truc. Il faut appeler 0830 007. Si vous n'avez pas encore pris votre téléphone en main, faites-le. Ça va vous prendre quelques secondes. Il y a une équipe au top qui est derrière le téléphone, l'équipe du call center Enalo à Gosselies. Et ils sont là, ils attendent vos appels, ils attendent vos dons. Et grâce à vos dons, on va pouvoir financer les associations qui soutiennent les familles qui sont dans les difficultés, qui sont dans la pauvreté. Et il y en a beaucoup trop. Alors on compte sur vous. Faites ce numéro de téléphone, composez-le et faites ce petit geste. Si vous avez quelques euros à donner, c'est très bien. Si vous avez beaucoup d'euros à donner, c'est très bien aussi. Allez-y, mettez la somme que vous voulez pour soutenir ces enfants et choisir la musique. 0830 007, il ne vous reste plus que 51h, 10 minutes et 6 secondes. Ça peut vous paraître long et vous dites « Ouais, mais je ferai ça plus tard parce que là, j'ai un truc à faire. » Ne le faites pas, vous savez très bien, c'est comme quand on vous demande de ranger quelque chose. Vous ne le faites pas, ça traîne encore pendant des semaines. Surtout les gars, on sait, par exemple, les chaussettes dans une chambre, ça traîne, on dit « Ouais, on les rangera ce soir. » Ben non, on le fait pas. Donc 0830 007, on compte sur vous et vous choisissez la musique et après on vous la passe. Par exemple, Wendy de Martelange, elle a demandé d'écouter Mao Boy d'Indochine. Eh bien, on va l'écouter cette chanson. Et elle a fait un don. Elle a versé 25 euros. Merci beaucoup. Viva for life. Tiens, je On est en direct de Charleroi et la magie de la radio fait que nous allons partir à Martelange tout de suite. Bonjour Wendy. Bonjour. Vous allez bien Martelange, vous passez une bonne journée? Très bien, il fait beau. Alors vous avez choisi d'écouter Indochine, il y a une raison en particulier? Je suis une fan. Ouais. D'abord, bonjour à tous les fans chinois. Et puis, c'est une chanson de circonstance, quelque part, pour les enfants. Eh ben, c'est super gentil. Grâce à vous, il y a un don de 25 euros. On vous fait d'énormes bisous. Merci pour ce que vous avez fait, Wendy. À bientôt, bonne journée. Bon après-midi, au revoir. Proximus présente Storygram. Qu'est-ce que tu vas faire pour Viva for Life cette année? Je vais envoyer une dinde. Une dinde? Ouais. Ah, ou deux. Deux dindes? Dis donc. Et les timbres, tu vas les coller où? Pour vos vœux de fin d'année, envoyez gratuitement une dinde via l'app Storygram et soutenez Viva for Life. Téléchargez maintenant l'app. Proximus, infiniment proche. Chérie, tu as envie de foie gras Noël? Oh oui! Et on pourra même en manger au Nouvel An. Écoute ça. Chez Intermarché, à l'achat de deux blocs de foie gras de canard avec morceaux 200 grammes Guillaume Dunois, le deuxième est à moins 50% grâce à la carte de fidélité. Vous aussi, fêtez plus, dépensez moins. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Dans un monde qui change, vos sentiments ont encore plus de valeur. Jusqu'au 15 janvier, soutenez les banques alimentaires en déposant vos centimes rouges et jaunes dans les tirelires présentes dans les agences BNP Paribas Fortis ou Fintro. Aidez-nous à offrir un repas aux plus démunis. Plus d'infos sur centimes.bnpparibasfortis.be. Chez Vandenborre, nous n'avons pas besoin d'astuces pour vous attirer dans nos magasins. Tous les jours, les prix les plus bas, c'est tous les jours les prix les plus bas. C'est écrit noir sur blanc dans notre contrat de confiance. Voilà pourquoi, si par hasard vous trouvez le même appareil moins cher dans un autre magasin, nous vous remboursons la différence. Parce qu'une parole donnée, c'est une parole tenue. Audio, TV, multimédia, électro. Vandenborre. Vous avez bien choisi. Grâce à votre contrat de confiance. Préparez vos cadeaux de Noël chez Intersport Liège. Venez vite découvrir un très grand choix de cadeaux ski, surf, running, casque, chaussures, veste, pantalon, sous-vêtements techniques. Et profitez de nos départements location et entretien. Intersport Liège, à Chénet, quai des Ardennes, 1200 m² dédiés au sport. Intersportliège.be. Des économies sur vos dépenses énergétiques, Nulens Toiture, un devis gratuit, des prix compétitifs et un travail impeccable. Nulens Toiture, le professionnel des toitures plates. Régulièrement dans ce cube, il y a des invités, ça fait plaisir, on voit un petit peu de monde comme ça, et c'est une équipe que vous verrez ce soir sur la place de la Digue. C'est Mister Cover qui est avec nous cet après-midi. Cover qui est en train de me demander combien de temps il reste. 51h, 2 minutes et 35 secondes précisément passées dans ce cube ensemble. Salut les gars, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi et de chanter ce soir aussi pour ce showcase. Beaucoup de chansons, beaucoup de reprises. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que vous étiez déjà venu dans le cube les années précédentes, l'année dernière, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous faites? Alors on fait de la cover, c'est-à-dire on reprend les artistes les plus connus et les plus grands tubes de ces 50 dernières années, 60 dernières années. D'accord. Voilà, et on les remet un peu à notre sauce, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et ça donne ça. Ça marche super bien pour vous. Et votre groupe, vous l'avez créé il y a 10 ans. Vous attendiez à ce que ça marche comme ça, à ce que les gens soient dingues des covers à ce point-là? Attends, prends juste ce micro-là, parce que celui que tu as en main est en panne. C'est un micro. Depuis le début du Viva for Life, on a la poisse avec le micro que tu avais en main. Voilà. Mais non, on ne s'attendait pas. On ne pouvait jamais s'attendre à un succès pareil pour un groupe de covers. Donc, on espérait qu'on allait aller le plus loin possible. Mais, sur les 10 années qui sont passées, vous avez vu une différence qu'avec YouTube, maintenant, les covers, c'est hyper à la mode. Ouais, c'est phénoménal. Nous, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on le fait. Maintenant, c'est vraiment à la mode. je sais pas, on peut pas dire qu'on a lancé la mode en Belgique parce qu'il y avait tellement déjà de groupes qui existaient comme ça, mais faire un truc comme l'ancienne Belgique par exemple, jamais on aurait pu y croire quoi. Et c'est vrai qu'aller à l'ancienne Belgique, ça, le mythique de Bruxelles, ça fait quelque chose quand on s'y trouve quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors ce soir c'est pas l'ancienne Belgique, c'est la place de la Digue, et vous offrez ce showcase ce soir. Qu'est-ce qui vous parle dans la cause Viva for Life? Vous êtes concerné par ça? Vous avez vécu des choses plus compliquées quand vous étiez plus jeune, ou dans votre entourage vous êtes sensible à cette cause? On n'a pas du tout vécu ça étant jeune. Je pense qu'on est même des privilégiés, je veux dire. Je pense que c'est quand même un peu dans notre culture chez Mr Cover de s'impliquer dans ce genre d'action. On apprécie s'investir à ce niveau-là. Tout simplement parce que je pense qu'on est des citoyens responsables, et que c'est scandaleux qu'à notre époque, l'action est très belle, mais c'est scandaleux qu'on doive la faire, tout simplement. Oui. Parce que de base, ça ne devrait même pas exister. Des enfants dans la précarité, ça ne devrait même pas exister, en tout cas. Alors, c'est hyper important que vous vous mobilisiez, 0830 007 pour faire vos dons. Effectivement, c'est pas normal, et on l'a déjà dit, on va pas régler cette année, encore une fois, on va pas régler la chose, mais si, petit à petit, on peut diminuer ce nombre d'enfants. 80 000 aujourd'hui qui vivent sous le seuil de pauvreté à Bruxelles et en Wallonie, entre 0 et 6 ans. Ce serait une victoire si l'année prochaine, on peut refaire Viva for Life en se disant, il y en a plus que 60 000 ou il y en a plus que 50 000. C'est grâce à vous qu'on peut y arriver. 0830 007. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit plaisir cet après-midi, faire une petite cover comme ça, improvisée en live à la radio et en direct sur Télésambre et sur le Live Center? C'est jouable? Si tu nous chopes un instrument. Alors, t'as besoin de quoi? T'as besoin d'une guitare? Une guitare. Ouais, une guitare. Eh ben, tu sais quoi? On va trouver, au pire, on va la piquer à Bézac Arthur qui était ici il y a un instant. Avec grand plaisir. Et puis, on se fait ça dans quelques minutes, vous restez avec nous? Avec grand plaisir. Allez, super. Et sinon, je ferai la guitare électrique. Ah, c'est très joli. Bah tu vois, on peut faire un truc ensemble. Voici Daniel Guichard, mon vieux. Ça a été demandé par Jean-Marc de Wavre. Il a donné 50 euros, merci Jean-Marc. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Eh ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. En rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher pendant quelques heures l'évasion. Je sais, c'est con, dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. Daniel Guichard, mon vieux, qui a été demandé au 0830 007. Faites pareil, vous aussi, demandez la musique et partagez-la. Il y a Mister Cover qui est avec nous cet après-midi. Alors, on a tenté de trouver une guitare, on n'en a pas là sous la main, les gars. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner rendez-vous tout à l'heure, 18h pour le showcase sur la place de la Digue. Et puis, on fera peut-être, on essaiera de vous voir sur la scène, on se connectera avec la scène tout à l'heure en live. On fait ça ? Avec grand plaisir. Il y aura des solutions là-bas tout à l'heure. Bah, là, il y aura les instruments, il y aura tout ce qu'il faut. Au programme ce soir en cover, il y aura quoi ? Alors, il y aura un petit peu de musique d'actualité, on va dire, du Bruno Mars, on va aller faire un petit tour du côté des classiques aussi. Des années 80. Un peu de musique des années 80. Bonne ambiance. Ah ouais, on va passer un bon moment. Oui, je pense. Merci beaucoup, les gars, d'être passés. Vous avez signé le logo de la ville de Charleroi qui sera mis aux enchères à la fin de Viva for Life. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout à l'heure sur la scène. Il est l'heure de retrouver Madame Cause. On va parler de ce qui se passe avec l'argent de Viva for Life. Parce que vous êtes nombreux à nous demander, une fois qu'on fait un don, on en fait quoi ? Eh bien voilà, tous les jours, on fait un point avec Bénédicte qui nous explique où part l'argent de Viva for Life. Et nous allons à Bruxelles avec le témoignage de Monsieur Jouigny. Bonjour, Monsieur Jouigny. Allô, oui, bonjour, oui, madame. Bonjour. Alors, vous êtes un heureux papa, vous avez une petite fille de 5 ans et vous aviez envie d'avoir un deuxième enfant, mais que s'est-il passé ? Expliquez-nous. En fait, comme tout le monde, on voulait avoir un deuxième enfant, soit fille, soit garçon, ça m'est égal pour nous. Et voilà, et pendant la grossesse, on a constaté chez le médecin de ma femme qu'elle a un triplé. Des triplés. Et donc, des triplés, ouais. Voilà, vous aviez prévu d'avoir deux enfants et vous vous retrouvez à 6. Et donc, les choses se sont un petit peu compliquées pour vous. Votre vie a été chamboulée. Bien sûr, hein, c'est pas facile d'avoir des triplés d'un coup comme ça. En fait, les difficultés, ça a commencé pendant la grossesse, pendant toute la période de la grossesse, pendant 7 mois, parce qu'ils sont nés de 7 mois prématurés. Mm-hmm. Et après 7 mois de grossesse, on a eu l'accouchement de madame, que ce n'était pas un accouchement normal. C'était provoqué et tout, à cause des problèmes qu'il avait, à cause de la santé des enfants, à cause de ça, à cause de beaucoup de problèmes. Alors, les médecins, ils ont décidé de faire le nécessaire pour faire sortir le bébé dans le monde. Mm-hmm. Et voilà, ils sont là, on s'est retrouvés avec 4 enfants d'un coup. D'un coup, et donc, mais pour boucler les fins de mois, c'est évidemment plus compliqué. Bien sûr, hein, on habite dans un appartement de 2 chambres plus mm-hmm. salon. On habite toujours là-dedans, on n'avait pas à voir la possibilité d'avoir un logement un peu plus spacieux que celui-là. Plus adapté pour 4 enfants. Oui. Le problème, j'ai toqué toutes les portes que vous voulez. Oui. Il n'y a personne qui voulait faire quelque chose, soi-disant qu'il n'y a pas pour le moment. Mm-hmm. La maison pour 4 chambres, ou l'appartement de 4 chambres, il n'y a pas. Il faut attendre 7-10 ans. Et voilà. Et donc, vous avez fait appel à la Maison des Enfants à Bruxelles. Et alors, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il y a une aide pour madame à la maison. À la Maison des Enfants, oui. Non, à la maison ici chez nous, mm-hmm. je veux dire, j'ai dit, c'est quoi ça ? Il me dit, il y a un service qui s'occupe de ça. Voilà. Il m'a montré et tout, j'étais cherché, j'ai téléphoné partout, j'ai téléphoné dans tous les services. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. D'accord. Et alors, donc, on a été chercher sur Internet, madame ? Oui. Sur un site français, c'est même pas ici en Belgique. On a trouvé ça et on a téléphoné à madame Znavi qui vous a donné mes coordonnées. Voilà. Et donc Cyril, la Maison des Enfants, c'est un projet qui a demandé un financement Viva for Life et elle s'adresse aux familles lorsqu'il y a des naissances multiples. Parce que oui. C'est vrai, comme le dit monsieur, une fois qu'on attend un enfant et puis qu'on en a 3 d'un coup, et bien évidemment, ça complique les choses. Voilà pourquoi on demande à tous nos téléspectateurs, à nos auditeurs de se mobiliser. C'est pour aider des maisons comme celle-ci à Bruxelles qui aident des familles qui rencontrent des difficultés. Il faut former le 0800 30 007, c'est important. Il y a aussi le site de vivaforlife.be où vous pouvez là aussi faire un don. Et puis alors, il y a le SMS au 4001. Vous tapez votre numéro de compte, suivi d'un espace, suivi du montant de votre don. On a besoin de vous, c'est important. Il faut se mobiliser, il faut continuer. Tout ça ensemble, on peut faire exploser ce compteur et on peut changer la situation et apporter du bonheur dans toutes ces familles, apporter de l'aide dans toutes ces familles qui en ont besoin. Et d'ailleurs, c'est Désiré qui nous ajoute 50 euros dans la cagnotte du Up4 Life pour écouter Albano. Voici Felicita, maintenant sur Vivacité. Felicita, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità, e i tuoi sguardi innocenti in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità, felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità. Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro il cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. La luna accesa, la radio che va, e un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità, e una telefonata non aspettata, la felicità, felicità, felicità, è una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità, e una mano sul cuore piena d'amore, la felicità, di aspettare l'aurora per farla ancora, la felicità, felicità. Qui a été demandé par Désiré. Désiré est là. Bonjour Désiré à Ciney. Comment ça va? Oui, bonjour, ça va. Vous avez donné 50 euros. Merci pour ce que vous avez fait, Désiré. Attendez, je baisse le son parce que je vous regarde en live. Ah, vous êtes en train de regarder sur Télécembre? C'est ça, oui. Eh ben, mais non, sur mon ordinateur. Ah, sur le Live Center. Ben, salut ça, à tous oui. Ceux qui sont en ce moment en train de nous regarder sur Télécembre ou sur le Live Center rtbf.be. Désiré, vous faites quoi ce lundi? Vous étiez à la maison? Vous êtes en congé? Oh, vous êtes oui, en vacances? Je suis retraité. Oui. Et ben voilà, nous, on vient de rentrer d'un petit séjour à la mer, on s'est reposé. Ah, vous étiez où? Et maintenant, ben voilà, on a vidé nos valises et voilà. Vous étiez à la mer où ça, Désiré? Comment dites-vous? Vous étiez où à la mer? Oh, à Coxyde. Ah, c'est bien Coxyde. J'ai passé pas mal de temps petit là-bas. On a eu une très belle semaine. Et vous alors, en avez on bien profité. On vous a suivi de temps en temps parce qu'on ne savait pas rester en permanence devant la TV. Mais enfin, ah, forcément. Ouais. Et le but quand on va à la mer, c'est de prendre un petit peu l'air si vous restez tout le temps à l'intérieur. Ça, on se promenait sur la digue, etc. On a passé bien raison. Un bon séjour. Vous avez profité pour manger une bonne crêpe qui était dans votre cube. C'est gentil. Bah, Désiré, merci pour votre passage, merci pour votre don de 50 euros. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne après-midi. Reposez-vous bien, Ciney. À bientôt. Eh bien, c'est bien. Merci. Salut, Désiré. Bonne continuation. Jean-Jacques Goldman arrive dans un instant. Tourne les violons. C'est Vincent qui a demandé d'écouter ça. Et Vincent, il est pas très loin d'ici. Il est à Montigny-le-Tilleul. Il a donné 50 euros. On les ajoute tout de suite. Et Vincent, on écoute votre chanson dans quelques secondes. Viva for Life avec nos partenaires. L'agriculture de Wallonie soutient Viva for Life. Ça vient d'ici, ça vient du cœur. Envoyez vos vœux avec l'app Storygram de Proximus et soutenez Viva for Life. Bonjour, c'est Jean-Marc Dessert. Je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. Devinez qui je suis.

Merci à Christophe qui a donné 10 euros pour écouter Gold. C'était Laissez-nous chanter. J'espère que vous avez chanté vous aussi chez vous de votre côté. Jean-Marc de Serge, je vous pose pas la question. Vous n'aimez pas chanter visiblement. Oula, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, Jean-Marc, on va le faire en français si vous voulez bien et pas en langage de serre. Ouais, vous êtes au call center Enalo. Non, je ne suis plus au call center. Non, vous êtes où? Je suis à 2,50 m au-dessus de votre tête, figurez-vous. Je ne vous vois pas. Non, vous ne saurez pas me voir. Je suis juste à côté de votre chambre. Ah, et, c'est le bordel dedans. Ne rentrez pas. Je constate. Non, je suis rentré. C'est vraiment le bordel. Ouais, hein, c'est pas rangé. Ça, c'est pas bien. Non, je suis aux côtés de votre médecin. Personnel, ah, à Bernadette. Vous tout seul, Bernadette Cuvelier qui est à côté de moi. Bonjour docteur. Bonjour. Alors comment vont-ils ces trois animateurs? Eh bien malgré l'épreuve qu'ils subissent, malgré le défi, ils s'en tirent vraiment bien. Physiquement, nickel. Moralement, ben c'est dur, mais vraiment, vraiment, ils sont géniaux, ils s'en sortent super bien. Alors, quelles sont les conséquences de ce changement de nourriture, de ne consommer que de la nourriture liquide? Je peux vous en parler si vous voulez, ouais, Jean-Marc. Allez-y. Ouais, c'est que vous savez que j'avais une inquiétude qu'en disant tout ce qu'on va manger liquide va ressortir liquide. Eh bien, en fait, Sébastien Sarah n'avait pas menti, c'est juste que ça ne ressort pas. Voilà, comme ça, vous avez les détails. Ben oui, Cyril, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, tu as mis ton intestin au repos. Ouais, bah, il dort donc, bien, là, comme manger Cubi. Liquide ne posait pas un problème majeur. Si c'est bien équilibré et ça l'est grâce à votre nounou qui veille à votre alimentation. Vincent est top, il s'occupe mais de nous tout le temps 24 heures sur 24. Tu fais souffrir un peu ton tube digestif qui ne reçoit pas son paquet de frites, son steak, sa salade régulièrement. Et donc oui, effectivement, ça ressortira pas et tu auras quelques problèmes de constipation. Ben comme ça, vous savez tout. Voilà Cyril, dites-moi docteur, on est aujourd'hui, le soleil vient de se coucher il y a quelques instants, quelques minutes à peine. Nous sommes sur la journée, c'est la journée la plus courte de l'année et forcément la nuit la plus longue. Est-ce que ça a des conséquences sur l'organisme, non seulement des animateurs, hein, mais sur nous également? Oui, de toute façon, on a besoin de lumière, notre organisme a besoin de lumière et on voit que au mois de décembre, quand les jours raccourcissent, l'humeur est plus maussade, on est plus fatigué, notre organisme n'a pas son taux de luminosité. À cela, pour nos trois animateurs, s'ajoute le fait qu'ils sont enfermés et vivent la plupart du temps avec une lumière artificielle. J'ai beau leur dire d'ouvrir la fenêtre et de passer leur tête par la fenêtre pour moi une demi-heure par jour, j'insiste, mais je ne suis pas certaine qu'ils le fassent. Ouais, alors, j'ai ouvert les volets, Bernadette. C'est déjà pas mal, hein. Tu ouvres les volets, oui, c'est déjà ça, oui. C'est déjà ça, et c'est je me mets... C'est pas tout à fait ce que j'avais demandé. Mais presque. On y est presque. Et Bernadette, aujourd'hui, parce que donc on a un contrôle tous les jours avec notre docteur, il y a, elle m'a dit, attention, tension un peu haute, tu bois pas assez, tout ça. Bernadette, bouteille d'eau pendant l'émission, hop, quasiment vide. Jus de fruits, hop, il est où? Je l'ai perdu, il est là, jus de fruits et tension normale aujourd'hui. J'ai droit à une gommette? Eh ben oui, exactement, Cyril. Et je viens d'ailleurs de déposer un diplôme de champion sur ta porte. Tu le verras tout à l'heure, à la fin de ta prestation. Merci beaucoup, Bernadette. Voilà. Je suis en train de consommer une de vos boissons, hein, Cyril. Je me suis permis. Vous goûtez quoi, là? Un jus de framboise. Un jus de framboise. Framboise, poire, pomme. Délicieux. Eh ben, hein. ils sont très bons. D'ailleurs, on remercie l'équipe qui nous a donné ces boissons. C'est franchement exquis, tous ces jus-là. Merci beaucoup. Cyril, si je peux encore dire quelque chose. Malgré que ce soit votre métier à tous les trois, d'animer les radios, ce que vous faites pour le moment est réellement un don de vous-même pour les enfants défavorisés. Et c'est pas simplement un petit défi. Je commence à vous connaître, je vous vois régulièrement depuis quelques jours et réellement, j'admire ce que vous faites. Bah c'est gentil, mais comme on le dit régulièrement, c'est vrai que nous on est enfermé une semaine avec Sarah et Sébastien dans ce cube, mais nous on a juste une semaine de contrainte alors que des enfants, 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie, eux sont dans la difficulté toute l'année. Ils ont besoin de vous pour les aider, pour pouvoir améliorer leur quotidien. 0800 30 007, c'est le numéro du call center que vous pouvez encore composer. Maintenant, toute l'équipe de Enalo à Gosselies vous attend et décroche le téléphone. Merci Jean-Marc, on vous retrouve un petit peu plus tard. À bientôt Cyril. À bientôt. Viva for Life jusqu'au 23 décembre. C'est aussi en télé. Retrouvez Sarah Depadua, Sébastien Delvaux et Cyril de minuit à 11h sur la Une et de 11h à 18h sur Télécembre. Et chaque soir, les meilleurs moments de la journée à 18h30 sur la Une et 22h30 sur Télécembre. Viva for Life en direct de la place de la Digue à Charleroi sur Vivacité, la Une, Télécembre et vivaforlife.be.

Virginie Valcoli est arrivée en studio. Nous allons parler des défis. Viva for Life, c'est le journal des défis. Ça va, Virginie? Ben, ça va et vous? Ben, ça va plutôt pas mal. Le doc a dit que j'avais tout bien fait aujourd'hui. Oui, c'est vrai. J'ai entendu que vous aviez même un diplôme qui vous attendait sur votre. Ouais, je vais aller le chercher, comme ça je vous le montre dans un instant. Si vous venez nous dire bonjour ici sur la place de la Digue, il y a de la soupe à déguster aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai que tout à l'heure il y avait Adrien et Gérald de Watley qui étaient dans leur charlet. Dans leur charlet cet après-midi, c'est Candice Cutter qui s'était installée dans un des chalets de la place pour préparer une soupe populaire. Et avec les membres de son atelier de céramique, eh bien, Candice mettait également en vente une série limitée de bols faits main. D'accord. En argile et émail, figurez-vous. Chacun dans un petit pack avec les épices, la fiche recette de la soupe. Et donc c'est l'occasion d'avoir et le bol et le contenu. Et bah, c'est soupe. Très bien. C'était assez sympa. Alors le Tech Charleroi, lui aussi participe à Viva for Life puisque depuis début décembre, ils ont organisé une vente de clés USB collector en forme soit de bus, soit de tram. Elles sont vendues au prix de 6 euros, dont la moitié revient à Viva for Life. Alors c'est juste que vous avez encore 2 jours pour procurer ces clés USB. C'est jusqu'au 23 décembre et elles sont en vente dans les espaces Tech situés Gare de Charleroi Sud, Villette, Beaux-Arts, Thiroux, Madeleine, Fontaine ou encore Soleilmont. Alors il y a beaucoup de défis, beaucoup de gens qui se mobilisent pour cette action Viva for Life. Il y en a plus de 150 qui sont répertoriés sur le site, mais en fait il y en a encore plus que ça. C'est ça, il y en a vraiment qu'on a essayé de répertorier et puis il y a toute une foule d'initiatives personnelles. Exemple, les cyclos, les seniors de Tertre, on a découvert ce matin sur Facebook qu'ils se mettaient en route à vélo pour venir déposer ici une enveloppe dans la boîte à dons. Une autre initiative repérée, celle d'Audrey Taton, c'est une créatrice, Carolo, maman de 3 enfants aussi. Et depuis une petite année, elle a lancé une nouvelle marque pour bébé, c'est les labavettes, des bavoirs en fait qui se mettent jusqu'à la table. Enfin, c'est apparemment assez pratique et elle commercialise ça évidemment en magasin, mais pour l'occasion, elle a lancé une action Viva for Life sur son site internet et sur chaque produit acheté, 5 euros seront reversés à Viva for Life. Plus d'infos sur labavette.be. Et puis si vous aussi vous organisez encore des défis, des événements pour récolter des fonds pour Viva for Life, eh bien n'hésitez pas à nous le faire savoir via les réseaux sociaux pour qu'on puisse en parler. Et puis une manière de participer aussi, et ça c'est le défi de chacun, c'est de se procurer les goodies Viva for Life. Et là j'insiste moi sur les casques, parce que c'est vrai que les casques c'est la musique qu'on partage. Évidemment il y a Teddy, il y en a plein et les compiles. Il est tout beau Teddy. Mais et le casque aussi hein, sans ouais, le casque est vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. C'est vrai, montrez-le. Il est vraiment hyper sympa. Il est assez trendy tendance. Et puis ce qu'on parle, que la musique a du cœur et qu'on veut la partager, eh bien c'est le symbole idéal. Voilà. Et Cyril qui nous fait un petit petite présentation tel un mannequin sur si un je catwalk. Je le branche pas, j'entends rien. Mais je vais bosser un peu avec ce casque. Tiens, voilà. Ah ben tiens, pourquoi pas. Voilà, pour vous montrer que ce casque il est magnifique, il fonctionne il bien. Oula, voilà, je fais tout tomber. Les tendances. Voilà, non mais il est beau, noir orange, il est tout design. Il se fond dans ma chevelure tant que j'ai encore des cheveux. Parce qu'après, on ne verra plus que ça. Merci Virginie pour ce journal des défis et toutes les infos sur la page Facebook et sur le site vivaforlife.be. Dans un instant, Patrick Bruel. Et vous savez quoi concernant Patrick Bruel? Déjà, vous le chantez très bien, oui, ça c'est la première chose. Et ensuite, c'est la 5000ème chanson demandée. Excellent. On l'écoute juste après ça. Ce soir j'ai envie C'était Patrick Bruel, Casser la voix. Oh, une averse de petit prix. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Bonne fin de journée à tous. Le ciel se couvre à nouveau, le vent est resté soutenu aujourd'hui et on s'attend à ce que la nuit prochaine soit marquée par l'arrivée de bruines, fines pluies qui vont traîner un petit peu demain matin. Il fera doux même la nuit, mais toujours assez venteux, 7 à 11 degrés pour les minima, 9 à 13 demain pour les maxima, mais on n'en profitera pas vraiment, toujours avec ce vent assez fort de secteur sud-ouest. Demain, ciel plombé le matin avec ces bruines et puis l'après-midi, quelques timides éclaircies. Mercredi, encore de la bruine, et puis jeudi, des éclaircies, mais à nouveau une zone de pluie. Dans la nuit de jeudi à vendredi, on maintient la douceur et on maintient aussi le vent. Tant qu'on est en ville, on ne chercherait pas la montre que je veux offrir à Luc. Tu connais la marque ? Oui, mais où la trouver ? Attends Hélène, je cherche sur l'app Localizy. Voilà, on la vend à 300 mètres d'ici et les avis sur le vendeur sont très bons. Allez, on y va. Le commerce autrement. Localizy.com. Viva for Life. Salut, c'est Alice Andrew. Salut à tous, c'est Thomas Dutronc. Salut, c'est Vianney. Faites comme nous. Soutenez Viva for Life. Viva for Life. Viva for Life. La musique a du cœur. Partageons-la. Faites un don au compte 8x0 37 37. Info vivaforlife.be. On aime tous prendre soin de ceux qu'on aime. Solidaris. C'est votre bonheur qui va être content. Gaz, électricité, solidarité. Aurès soutient Viva for Life. Le Spar de Lucie. Waouh Lucie, mais tu t'es mise sur ton 31, tu es magnifique. Oh, merci, c'est juste mes cheveux, tu sais, puis une petite robe de soirée. Il manque juste le repas de fête. Eh ben voilà, ta commande est prête. Ah, oh, merci Anne. Dis donc, tu mets moins de temps à la préparer que moi à maquiller, je crois. Spar Colruyt Group, toujours avantageux. Même pendant les fêtes. Découvrez dans votre Lidl la gamme délicieux. Avec cette semaine, la dinde à 3,79€ le kilo. Pour Noël, préparez une belle dinde farcie à votre famille. Parce qu'à la fin du repas, c'est la bûche glacée que vous allez vous farcir. Et les blagues de tonton Georges. Les produits frais de chez Lidl, pour tout ce qui compte. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Voici les titres de l'actualité. Michel Platini dénonce une mascarade. Le comité d'éthique de la FIFA lui interdit toute activité liée au foot pendant 8 ans. Platoche est-il grillé ? Peut-il encore rêver de la présidence de la FIFA ? Nous tenterons d'y voir clair dans un instant. 5 nouveaux suspects interpellés à Bruxelles. Ça concerne l'enquête sur les attentats de Paris. Patrick Michel nous expliquera que les policiers cherchent à mettre des noms derrière des numéros de téléphone. L'école à la maison pour 900 enfants en Wallonie et à Bruxelles. Le phénomène est en augmentation. On a décidé qu'on se passerait de l'école maternelle au départ et puis qu'on se laisserait le temps de voir pour la suite. Et puis au fait, c'est une organisation familiale qui nous a convenu et on a continué. Un reportage dans une famille où les enfants suivent les cours à domicile. Ils fouillent le Burundi pour quelques semaines ou pour toujours. Des Belges sont revenus ce matin à Bruxelles nationale. Ils témoignent de la violence au Burundi. Noël solidaire pour les plus démunis à Namur Expo. 800 convives vont déguster un repas gastronomique ce soir. Nous avons suivi les préparatifs. Le journal est présenté par Jérémy Gilter. Bonsoir à tous. Une véritable mascarade, ce sont les mots de Michel Platini après la décision du comité d'éthique de la FIFA, la Fédération internationale de football. Ce comité inflige une suspension de 8 ans à Sepp Blatter, le président démissionnaire de la FIFA, et à Michel Platini, son possible successeur. Le comité d'éthique parle de conflit d'intérêts et de gestion déloyale. Lionel de Neubourg, que leur reproche-t-on exactement ? D'avoir eu un comportement contraire à l'éthique de la FIFA, ce qui cloche, une somme versée en 2011 à Michel Platini. 1 800 000 euros versés donc en 2011 pour un travail entre guillemets réalisé 10 ans plus tôt. Le comité d'éthique ne parle pas de corruption en tant que telle, pas assez de preuves. Par contre, oui, il y a conflit d'intérêts et oui, il y a un manque de loyauté envers la FIFA. Alors voilà, pour les reproches, quelle est la réaction de Blatter et de Platini ? Sepp Blatter, comme son habitude, très théâtral lors d'une conférence de presse devant une forêt de micros. Blatter, vieux briscard du foot mondial, 17 ans à la tête de la FIFA, il n'entend pas se laisser faire. Suspended 8 years. Suspendu 8 ans, mais je me battrai. Je me battrai pour moi et je me battrai pour la FIFA. Suspendu 8 ans, pourquoi ? Nous allons immédiatement devant le comité d'appel, nous allons devant le TAS. Tribunal arbitral du sport. Zeb Blatter qui a conclu sa conférence de presse par la réplique culte de Terminator. I'll be back, je reviendrai. Et la réaction de Michel Platini ? Plus classique, par communiqué, le patron du foot européen parle d'une véritable mascarade, d'une mise en scène. On veut m'éliminer du monde du foot, dit Platini, et lui aussi va faire appel. Et justement Lionel, est-ce que sa candidature à la tête de la FIFA, est-ce qu'elle est compromise ? Ça sent le roussi, voire le cramé. Pourquoi ? Parce que la date limite pour rentrer sa candidature, c'est le 26 janvier. Un mois et quelques jours donc, ça veut dire que d'ici là, pour se présenter, un tribunal doit l'avoir blanchi ou mettre en suspens l'élection. Quand bien même, en fait, les supporters de Platini diminuent de jour en jour. Philippe Auclair a écrit le livre FIFA Gate et il connaît bien le dossier. Le fondement du pouvoir de Michel Platini dans cette drôle de famille du football mondial, ça reste l'Europe. Il y a une partie importante des décideurs, des présidents de fédérations qui ont pris leur distance de Michel Platini. Donc Michel Platini ne dispose plus du soutien qui était le sien avant que cette affaire ne soit rendue publique. Donc dans ces conditions, j'imagine très mal comment il pourrait avoir quelque chance que ce soit d'être élu président de la FIFA. Un président qui sera élu fin février. 5 candidats sont encore en lice pour l'instant. Michel Platini se rajoutera-t-il in extremis ? À voir. Mais le match semble perdu d'avance pour l'ex-gloire du foot français. L'éclairage de Lionel Denebourg avec Pascal Claude. Encore des interpellations chez nous dans l'enquête sur les attentats de Paris. 5 suspects privés de liberté après de nouvelles perquisitions à Bruxelles hier soir et à Laeken ce matin. Patrick Michel, vous suivez l'enquête pour Vivacité. Que peut-on dire de ces nouvelles opérations ? Qu'est-ce qui a conduit les enquêteurs à interpeller ces personnes ? Ce sont les progrès de l'enquête sur l'utilisation des téléphones portables. Une enquête approfondie qui a permis de croiser tous les appels téléphoniques pendant les attentats, mais aussi avant et après. Alors du côté français, cette enquête a fait des pas importants. On sait que la Belgique a servi de base arrière pour la préparation des attentats, mais on découvre désormais aujourd'hui, grâce à la téléphonie, que des personnes en Belgique ont aussi été contactées le jour des attentats, quelques heures avant et même pendant les attentats. C'est quoi l'objectif de ces perquisitions, Patrick ? C'est de mettre des noms derrière des numéros de téléphone ? Oui, c'est très clair. Notamment, il y a un numéro qui est formé le soir des attentats à 18h15, de Paris vers un numéro belge à Bruxelles. Et puis, 3 heures plus tard, ce même numéro, contacté à Bruxelles, est activé, mais cette fois à Paris, dans le 11e arrondissement, là où des terrasses vont être mitraillées à partir de 21h25. Alors, ce même téléphone va composer plus tard un autre numéro dans le 18e, là où se trouve à un moment Salah Abdeslam. Alors, qui est cette personne qui a rejoint de Bruxelles Paris à toute allure entre 18h15 et 21h le soir des attentats ? Quel a été son rôle durant les événements, observateur ou participant ? Enfin, qui sont les personnes qui ont été en contact avec ce numéro de téléphone, notamment le soir des attentats ? Un appel a notamment été repéré dans la région de Charleroi. Eh bien, les enquêteurs sont lancés maintenant sur ces différentes pistes. Merci Patrick. Les précisions de Patrick Michel sur ces nouvelles interpellations dans l'enquête sur les attentats de Paris. Y aura-t-il 5 jours de grève des trains en janvier ? Les syndicats des cheminots sont réunis en ce moment pour convenir d'une réponse à cette question. Les syndicats ont rencontré ce matin le président de la SNCB pour évoquer le point qui fâche, les exigences de productivité au sein des chemins de fer. La condition de la CGSP et de la CSC pour laisser tomber la grève, c'est de repartir d'une feuille blanche. Pas sûr qu'ils aient obtenu cette garantie. Quand la maison est aussi l'école, les cours à domicile, ça concerne plus de 900 enfants en Wallonie et à Bruxelles. Le phénomène est en nette augmentation ces dernières années. Alors qu'est-ce qui pousse les parents à assumer eux-mêmes les cours de leurs enfants ? Sarah Devaux et Alain Demarais se sont rendus à Bouzeval, dans le Brabant Wallon, dans une famille qui a fait ce choix de l'école à domicile. Vous vous rappelez d'abord ce qu'on avait observé ici ? Séance de géographie cet après-midi. Amandine, Clémence et Violette sont assises devant le feu ouvert. Joël et Isabelle, leur maman, leur expliquent le phénomène des volcans. Ici, pas question d'école. Les deux mères ont fait le choix de dispenser elles-mêmes les cours à leurs enfants. On a rencontré des gens qui revenaient d'une année de voyage, une année sabbatique en famille. Ça nous a fait un peu rêver. Nous, on ne pouvait pas se permettre à ce moment-là de partir comme ça, mais on s'est dit qu'on se donnait un an de break. Et puis, au terme de cette année-là, quand on a discuté en famille, tout le monde avait adoré et tout le monde a dit « est-ce qu'on continue ?» et on a continué. Un choix de vie où l'enfant est au centre de l'apprentissage. Par exemple, ici, on a une petite amie qui est partie pendant 3 mois à l'étranger. Et là, eh ben, subitement, elle s'est mise dans l'idée que, effectivement, pour ne pas perdre le lien avec son amie, c'était le moment de commencer à écrire. Alors, on corrige les lettres, on commence à parler de grammaire, de ce qu'est un verbe, un sujet. On aborde les notions de cette façon-là. Et pour s'assurer que leurs enfants ont le niveau requis, des évaluations sont prévues. Tous les 2 ans, à partir de l'âge de 6 ans, les enfants sont contrôlés par l'administration. Donc pour le moment, c'est un test formel dans une classe, des tests écrits. Des tests que les enfants ont tous réussi. Alors pour l'instant, la question de retrouver les bancs de l'école ne s'est pas posée. De quoi permettre aux enfants de développer d'autres connaissances à la maison. Le reportage de Sarah Deveau et Alain Demarais donc sur cette école à domicile. Il y a un candidat repreneur pour le Bon Grain Morlanway. Le groupe de boulangerie industrielle est en faillite. Une offre de reprise est bien sur la table des curateurs. Une offre qui est, cela dit, qui n'est pas totale puisque le candidat repreneur serait disposé à reprendre 65 des 280 travailleurs des sites de Morlanway. L'image déplorable de la violence dans le football. Vous avez peut-être vu la vidéo de cette bagarre générale ce week-end à Bertry. Le club local d'Orgeau recevait Transine, un match de 3e provincial filmé par TVLux, la télévision régionale. Après une faute commise sur un joueur, le match a dérapé. Coup de pied, bousculade. Le jeune arbitre de la rencontre, Quentin Richard, 16 ans, n'en revient toujours pas. C'est la première fois, j'espère aussi que ce sera la dernière, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Hein. Donc on essaye de voir le mieux qu'on peut et aussi de calmer les joueurs comme on peut. Là, c'était difficile. Bon, heureusement, après, il n'y a plus rien. J'ai aussi reçu le soutien, notamment même des joueurs d'Orgeau, même de certains membres du staff de Transine. J'ai reçu des messages de soutien après de gens qui sont dans le domaine de l'arbitrage ou même pas du tout, qui me connaissaient autrement. Et ça fait beaucoup plaisir aussi. Ça aide à, on va dire, à se reconstruire, même si j'étais pas vraiment démoli. Témoignage du jeune arbitre du match recueilli par Éric Bussienne. L'affaire sera examinée par le comité provincial avec à la clé des risques de sanctions contre les joueurs identifiés sur la vidéo. Un nouveau gouvernement en Espagne, ce n'est pas pour demain. Pour la première fois, ni les socialistes ni les conservateurs n'ont obtenu de majorité absolue aux élections législatives. C'est surtout dû à la montée de Podemos, le parti d'extrême gauche qui est arrivé 3e avec plus de 20% des voix hier. Quelle solution alors? Soit une coalition, mais ça sera compliqué parce que ni les partis de droite ni les partis de gauche n'obtiennent de majorité. Soit une formule plus fragile, mais permise par la Constitution espagnole. Les conservateurs arrivés en tête hier pourraient gouverner sans majorité. Du coup, pour chaque projet de loi, il faudrait trouver des solutions au Parlement espagnol, ce qui s'annonce plutôt chaotique. C'était la dernière occasion de rentrer avant Noël. Des Belges sont revenus du Burundi. Leur avion s'est posé ce matin à l'aéroport de Bruxelles National. Il y a des Belges donc, mais aussi des Burundais qui fuient les violences. La situation est devenue intenable sur place. C'est sauf qu'il peut quoi. C'est un climat de terreur, on doit fuir. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de police pour protéger la population, il n'y a pas de l'armée pour protéger la population. C'est des vrais tueurs, c'est une machine à tuer qu'ils ont enclenchée. Et donc maintenant, c'est le sauf qui peut, quoi. C'est une énorme déception, parce que je pense que le Burundi a un potentiel énorme. Je pense aussi que le Burundi est sur la bonne voie. Et il est dommage qu'une crise aussi grave politique plonge le pays dans un marasme économique, alors que nous étions vraiment en phase de développement actuellement et il y avait tellement de beaux projets en cours. Et j'espère vraiment qu'on va remettre le train sur les rails. Je reste optimiste. Je reste optimiste parce que je crois que la majorité des Burundais veulent tout de même la paix. Personne ne se complaît dans ce climat de guerre où on perd des amis, et des frères, des parents. Personne ne se complaît là-dedans. Donc je crois que la raison va prévaloir un jour. Témoignage de passagers du vol Brussels Airlines en provenance de Bujumbura. Témoignage recueilli ce matin à Zaventem par Françoise Walmack. C'est Noël avant Noël ce soir à Namur Expo. 800 personnes font la file pour déguster un menu d'exception, un menu concocté par des grands chefs de la gastronomie. Ces 800 convives qui vivent des situations difficiles, ces personnes sont invitées par la SBL Éduc Action et Dignité. C'est la 4e édition du Noël solidaire. Monica Wachter a suivi les derniers préparatifs. Chaque verre et verrine est soigneusement essuyé. Ludovic Fanacker, patron de l'atelier de Bossimé. On veut avoir la même exigence que dans nos restaurants pour les 800 personnes. Donc là, on fait quoi? On repasse toutes les verrines, une par une. On les frotte, on vérifie qu'elles soient vraiment nickel pour pouvoir, dans quelques instants, les dresser et les préparer pour les remettre au frais. Il est un des chefs coqs de Génération W, un collectif qui veut faire connaître le patrimoine culinaire wallon. Ici, ils sont tous bénévoles. Pour le but de faire un repas vraiment festif, avec des beaux produits locaux essentiellement, et donc voilà, de faire plaisir à un peu plus de 800 personnes voilà, pour Noël. Donc on prend un peu de notre temps de congé pour être là avec plaisir. Le matériel a aussi été prêté gracieusement. Jean-Luc Pigneur, coordinateur de Génération W, il explique ce qu'il a fallu amener. Tout. Puisqu'on est dans un palais, on a tout amené. D'une part, tout le gros matériel, four, armoire chaude, chauffe-assiette, etc. L'état pour travailler, les chariots pour entreposer et alors toute la vaisselle. Nadège est à la table des cougnous. On emballe les cougnous. Et pourquoi vous faites la quatrième année? Parce que je suis assistante sociale et que voilà, j'adore cette initiative. Un cougnou à emporter et au menu, comme mise en bouche, crevettes accompagnées de brocolis et oignons marinés, les invités vont certainement se régaler. Le reportage de Monique à Vacter sur les préparatifs du Noël solidaire à Namur. Solidarité, c'est aussi le maître mot de Viva for Life. C'est Cyril qui vous accompagne cet après-midi. Michel Vloubert, qui depuis tout à l'heure, on le sait, chante très bien Gold, mais qui nous fait aussi un point sur les conditions de circulation. Ce soir, c'est le RTBF Mobile Info. Oui, Cyril, avec toujours des embarras de circulation aux frontières vers la France. Tout d'abord, sur le 17 Gand-Lille, vous perdez une vingtaine de minutes entre Albeek et Réquem. Une vingtaine de minutes également de perdu sur le 19 Mons-Valenciennes entre Pomerol et Anzy. Du côté du ring de Bruxelles, vous pouvez rajouter une dizaine de minutes supplémentaires en circulation extérieure. Zaventem Grand Bigard. 5 petites minutes en plus en circulation intérieure. Zaventem Carrefour Léonard. Des ralentissements habituels sinon dans la capitale sur la petite ceinture de Bruxelles. Plutôt que s'échauffer sur la route, mieux vaut se réchauffer autour d'une raclette. Le fromage est au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva for Life avec Cyril. Attention, il ne reste plus que 50 heures. Le compteur tourne ici dans ce studio. 49 heures, 59 minutes et 15 secondes. C'est le temps qu'il vous reste pour faire un maximum de dons. On compte sur vous, les enfants, on compte sur vous. 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ils ont besoin que vous leur donniez quelques euros ou beaucoup d'euros en fonction de ce que vous pouvez faire. On compte sur vous et on vous remercie. 0830 007, c'est le call center. C'est là que toute l'équipe du call center Enalo à Gosli vous attend et vous choisissez la musique que vous avez envie de partager avec tous les auditeurs qui suivent Vivacité, que ce soit en télé, sur Télécembre jusqu'à 18h tous les jours, sur le Live Center 24h sur 24 ou simplement de l'autre côté de la radio. Quoi que vous fassiez, où vous soyez, on vous remercie d'être là et de suivre cette aventure et de faire vos dons. Vous pouvez aussi faire un virement si vous avez envie. BE 35 8x0 37 37 ou alors par SMS, ça fonctionne aussi. Vous utilisez le numéro 4001, le 4001. Vous tapez votre numéro de compte, un espace et puis le montant que vous avez envie de donner à Via for Life. On vous remercie. Allez-y, faites-le pendant qu'on écoute la musique que le petit Polo a envie de partager. Ah, Polo, il est pas ici dans le cube, mais il est par téléphone. Salut Polo. Bonjour. Bienvenue Polo, comment ça va? Moi ça va bien. T'as quel âge? J'ai 14 ans et demi. Eh, c'est cool, tu fais un don à 14 ans et demi, t'es de quelle région? Finistère, tout près de Liège. D'accord, et t'avais envie d'écouter quoi Polo? À CBC Back in Black. Ah bah c'est drôle comme choix à ton âge. C'est ton choix à toi ou c'est papa qui derrière a demandé que t'écoutes ça? Choix. Ah ouais, c'est ton choix. Et t'aimes bien quoi comme musique? T'es plutôt rock? Rock et métal. Rock et métal, ah carrément. Et ça doit faire plaisir aux voisins ça si t'écoutes ça à fond dans ta chambre. Non, j'écoute pas ça à fond. T'écoutes pas ça à fond? T'écoutes d'autres trucs aussi ou pas? Oui, de la musique de maintenant. Comme quoi? Du rap. Ah, et c'est, du rap, c'est... De la pop. Quel morceau de rap ou de pop t'aimes bien en ce moment? C'est pas mal ça. Maintenant, j'écoute plus trop maintenant. Ah ouais, donc t'es vraiment métal. Je connais pas les titres. Bah c'est pas grave. Polo, en tout cas c'est super sympa. Tant que t'es là, t'as un message à faire passer? Bah, Je tiens à dire bonjour à mon papa qui est au travail. Comment il s'appelle ton papa? Benoît. Salut Benoît, bon courage au boulot. Et t'avais autre chose? Non. Non, bah c'est gentil. Merci Polo, tu fais un magnifique don de 50 euros. On ajoute ça à la cagnotte. Et quand mercredi, on découvrira le montant total des dons, bah tu pourras te dire que t'as fait un beau geste Polo et que t'as participé à tout ça et que c'est aussi grâce à toi. Bisous Polo, à bientôt. Bisous. Salut, bonne soirée. Justement, le titre que Polo voulait écouter, c'est Black in Black des CDC. Le voici. Viva for Life. C'est Polo de 14 ans et demi qui a demandé d'écouter CDC Back in Black. Alors là, on était sur du rock. Si vous êtes plutôt techno, on peut aussi, hein. Skrillex, vous pouvez demander ça via forlife.be ou 0800 30 007. Le call center est là. Toute l'équipe du call center vous attend et vous pouvez faire vos dons, choisir la musique. Vous aimez peut-être Tiga? On pourrait peut-être un peu plus tard dans la soirée se faire plaisir avec des choses comme ça ou comme Justice. Quel que soit votre style musical, il n'y a pas de problème. On accepte tout ici pendant Viva for Life sur Vivacité 0830 007. Ce qui compte, c'est que vous choisissiez la musique. La musique a du cœur, partageons-la tous ensemble. Vous faites un petit don et on écoute votre sélection sur Vivacité. Dans un instant, Bourville arrive. Quand je vous dis qu'on passe vraiment de tout, on est passé du rock à Bourville dans un instant. C'est Camille qui donne 40 euros pour l'écouter. Stéphane qui a demandé ce titre aussi et qui a fait un don de 300 euros. Merci à tous les deux. Et merci aussi à Benjamin qui est sur le Viva for Life. Live Tour, Benjamin, vous êtes dans la région de Warem aujourd'hui. Alors, le défi, piscine, plage, comment ça se passe? Et donc, je suis déjà en peignoir jaune et sous mon peignoir jaune, il y a mon maillot. Je vous attends à 18h à Warem sur la place Albert, où nous avons installé, franchement, une magnifique petite plage. Il y a du sable, il y a des parasols, il y a une camionnette de glace. Ça, c'est pour entamer les plaisirs mouillés. Et au moment où je vous parle, la pluie se met à tomber. Est-ce que nous avons une piscine pour les plaisirs mouillés? Oui, nous avons une piscine. Nous avons même des nageuses aquatiques qui viendront nous faire un spectacle. La seule difficulté, c'est que l'eau qu'on a utilisée est une eau de récupération qui vient d'une entreprise qui utilise de l'eau chaude pour traiter la chicorée. Et donc l'eau qui a finalement été livrée par citerne dans la piscine que nous avons installée ici est un peu marécageuse, pour ne pas dire boueuse, pour ne pas dire noire. Et donc le gros suspense, c'est plongera, plongera pas. Je vous avoue que j'étais en train d'en parler avec l'équipe télé, puisque nous serons en direct vers 18h50 dans l'émission de La Une. Et on se demandait si c'était vraiment raisonnable de plonger dans une piscine à l'eau noire. On verra, on verra. L'essentiel, c'est que pour l'instant, on a tout. Il ne nous manque que trois choses. D'abord, l'arrêt de la pluie, parce que la pluie commence à tomber, c'est pas drôle. Deuxièmement, il nous manque ceux et celles qui oseront venir en maillot ou en tenue de plage. Et puis troisièmement, le public. Venez voir cette prestation, très nombreux. Le but du jeu, évidemment, c'est que vous veniez nous rejoindre ici à Warem, où se trouve une tirelire Viva for Life. Vous pourrez, avant mon plongeon, pendant le plongeon ou après, nous déposer un petit peu de sous. Mais après le plongeon, je vous avoue que... Enfin, vous déciderez vous-même de ce qui conviendra de faire demain à la prod. Mais le coup de la piscine où il faut plonger, c'est dur dur quand même. Courage Benjamin. Merci de vous démener à fond comme ça depuis le début de cette aventure Viva for Life. De tout à l'heure, nouveau défi d'ailleurs que vous apprendrez en direct pendant l'émission télé avec Adrien et Anne-Laure. Ce sera entre 18h30 et 19h20. Merci Benjamin et à tout à l'heure en espérant qu'il y ait un maximum de monde qui vienne plonger avec vous. Salut Benjamin, à tout à l'heure. N'hésitez pas donc si vous êtes dans la région de Warem, allez faire un tour. Warem les bains, c'est aujourd'hui et uniquement aujourd'hui pour Viva for Life. Viva for Life, avec nos partenaires. Belfius et Viva for Life, 100% d'engagement pour les enfants. Belfius, banque et assurance. Gravité. Ce soir sur la Une. Pour les fêtes, moi, j'aime quand il y a plein de bonnes choses. Ah, nous aussi, les bonnes choses, on aime quand il y en a plein. Un petit. Ah oui, monsieur Marc. Et c'est pour ça qu'on met plein de crevettes grises dans nos bonnes croquettes maison. Et en plus, elles sont faites à la main. C'est pour ça que ce sont de vraies croquettes maison. Sauf que bon, elles sont pas vraiment faites dans ma maison. Moi, j'habite toujours avec ma maman. Elles sont faites ici, chez Carrefour Market. Oui, on a compris, petit. Vous êtes sûr? Jusqu'à jeudi chez Carrefour Market, nos croquettes fraîches de crevettes grises sont en 3 plus 1 gratuites. Vous les trouverez à la poissonnerie. Joyeuses fêtes! Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Tu sais pourquoi on a gagné à Waterloo? Attends, vous avez eu de la chance et tout. Non, c'est français. Viens avec moi, tu vas vivre une expérience époustouflante. Le nouveau mémorial, la butte du Lion, le panorama, la ferme de Goumont, le dernier QG de Napoléon et le musée Wellington. Venez les visiter en famille grâce au pass 1815. Info sur visitewaterloo.be. You too, go to Waterloo. Avec vivacité. La SWDE, c'est la Société Wallonne des Eaux, un endroit aussi excitant que le FBI. Ouais, bon, plus sérieusement, sachez qu'ils font un boulot important. J'ai remarqué que si on passe 125 jours sans se laver ni boire, eh bien, on se sent moins bien. En plus, s'il y a un souci ou des travaux sur le réseau des eaux, allez sur swde.be et ils vont vous dire quoi faire. Comme par exemple, ne jamais boire l'eau quand elle est brune. Honnêtement, c'est pas bon. Fêtes de fin d'année à petit prix, embarquez immédiatement chez Red Market. Le champagne Pierre de Brie est à seulement 9,89€. Profitez en plus de votre coupon promotionnel de 6€ à l'achat de 6 bouteilles. Red Market, les courses à grande vitesse, moins chères et solidaires. Red Market soutient Viva for Life. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Et Candice Cotter est arrivée dans ce studio. Comment bonjour ça va, Candice? Bonjour à tous, ça va super bien et vous? Bah ça va très bien, pleine forme encore, à 17h32. La bonne vie. Bientôt l'heure de la sieste. Vous êtes sur la place de la digue depuis tout à l'heure? Depuis tout à l'heure où on vend des bols et de la soupe. Alors gros succès pour la soupe, ça a été la razzia et tout le monde s'est réchauffé avec plaisir avec ça. Maintenant on a encore des bols à vendre et c'est pour ça qu'on vient faire toc toc chez vous. On a dans quelques minutes une démo de tournage de nos bols faits main. Oui, tout à fait. Donc, d'ici 10 petites minutes, vous aurez l'occasion de me voir à l'œuvre. Je vous montrerai comment concrètement on réalise des bols autour de Potier. C'est la technique qui a été utilisée pour réaliser quasiment la majorité des bols qui sont exposés à notre stand. Alors, ces bols, ils ont été faits par des personnes de tout âge. Donc, les plus jeunes avaient 6 ans et j'ai presque envie de dire de 6 à 77 ans. Donc, tous les niveaux, aussi bien les débutants que les élèves confirmés ont contribué à réaliser ces bols qui voilà, sont hyper pratiques. On fait tout avec un bol. Hein. Donc, il faut savoir qu'il faut avoir des bols en céramique artisanale chez soi à la maison. Il faut. Micro-ondes, four, lave-vaisselle, il faut. Ça résiste à tout. Ça accueille les fines herbes dans la cuisine. On peut y mettre les cacahuètes au réveillon. Je ne sais pas, moi, de la soupe, effectivement. Mais plein d'autres choses. Un bon thé, un bon café prend une autre dimension dans un bol qui a été fait à la main. C'est vraiment un objet à avoir chez soi. Venez choisir votre objet, votre bol, celui qui vous ressemble, qui est celui pour lequel vous aurez un coup de cœur. Effectivement, comme Aurélie Etienne le disait, qui gère Ose la Terre, l'atelier de céramique qui nous représente aujourd'hui, il y a plein d'artistes, plein de types de personnalités différentes qui se retrouvent dans les bols. Ici, notamment en studio, on a Petite Marie. On a Marie ici qui a 12 ans et qui fait partie des élèves les plus jeunes en fait de l'atelier Aurélie. Tout à fait, au tournage en fait. Moi je déconseille avant 10 ans, donc ça fait maintenant leur deuxième année où elles tournent assidûment aussi bien Delphine que Marie. Et elles ont d'ailleurs des bols qui viennent d'arriver avec moi. Donc il y a une toute nouvelle fournée de bols qui va arriver d'ici 5 bonnes minutes et il y a leur création notamment dans les boîtes qui vont se déballer. Je peux peut-être leur laisser expliquer en deux mots. Ça se fait facilement les filles, vous faites ça rapidement Delphine et Marie? Ça prend combien de temps de faire un bol en céramique? Ça dépend vraiment. Enfin, ça dépend parfois de notre humeur parce que c'est vraiment différent. Ça ouais. Avec le nombre de grammes de terre qu'on prend, c'est vraiment... Forcément. Alors, vous avez apporté un petit bol pour Cubi, un petit bol dans lequel il y avait du lait. Cubi, qui dormait depuis tout à l'heure, il n'a pas bougé de la table du studio. Il a bu son lait, il s'est rendormi. Il a bien apprécié le bol, par exemple celui-là. Delphine, Marie, ça vous a mis combien de temps pour le faire? Un bol comme ça, en général, ça met 20 minutes. D'accord. Et en général, en un cours, on en fait 5. Ok, eh ben, on va vous laisser... Il faut quand même savoir qu'un bol comme ça, c'est 2 cuissons, c'est un émaillage, donc il faut colorer le bol. Ouais. C'est un processus qui se fait sur plusieurs jours, donc c'est vraiment quelque chose qui prend vie et qui prend vie après avec son propriétaire. C'est quelque chose qu'on doit s'approprier. Donc c'est ça qui est intéressant. Vous allez avoir à ce stand, on est juste à côté du cube, plein de modèles différents. Et ben venez les acheter si vous êtes dans le coin de la place de la Digue, vous êtes sur les chalets qui sont autour de ce studio de verre à Charleroi. N'hésitez pas à venir faire un petit tour et évidemment les bénéfices sont reversés à Viva for Life. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Bon merci, après-midi. Merci. Psst, c'est moi, Hip. C'est bientôt Noël et votre hypermarché Carrefour va vous emballer avec ses prix bas. Allez, par exemple, la dinde de Noël à seulement 3,78€ le kilo. Oui, 3,78€. Bam ! Mais attention, c'est seulement jusqu'au 24 décembre. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Il est de retour dans son costume rouge, passant de cheminée en cheminée, prêt à tout pour accomplir sa mission. En décembre, soyez prêts pour le Père Noël, le retour. BTV, Hollywoodise les fêtes et dépose sous le sapin les meilleurs films inédits et des séries exclusives comme Cendrillon, Fast and Furious 7 et Under the Dome saison 3. En ce moment, BTV est à 24,90€ par mois pendant 6 mois. Abonnez-vous au 02 730 40 50. BTV, déchaînez-vous. Ah oui, déchaînez-vous. Offre soumise à condition. Et si la première bonne résolution pour 2016 était de vous offrir maintenant votre nouvelle cuisine équipée Ego? Votre cuisine 2016 au prix 2015 et jusqu'à 60% de remise sur l'électro de votre choix. C'est maintenant et jusque fin décembre chez Ego. Ego, la cuisine de ma vie. En ce moment, à l'achat d'un véhicule neuf Volkswagen, Volkswagen utilitaire, Audi, Seat ou Skoda, vous bénéficiez de 2 ans de maintenance gratuite. Oui, vous entendez bien. Pour fêter la fin de l'année, nous vous offrons 24 mensualités à la signature d'un contrat de maintenance WeCare de minimum 3 ans. Infos et conditions chez votre distributeur ou sur wecare.be. Et c'est encore moi, Benjamin Maréchal. Donc ce lundi, nous avons un défi Viva for Life à relever à Warem. Et c'est peu de dire que je compte sur vous, il nous faut un maximum de monde. Alors, sans vouloir vous bousculer... Warem de feestje, hier is de feestje. Donc venez nous rejoindre à la place du roi Albert Ier à Warem. Ne venez pas les mains vides, j'aurai une tirelire. J'ai besoin de vous à partir de 18h pour qu'il y ait un maximum de monde. Compris ? Warem de feestje, hier is de feestje. Liquidation totale avant déménagement chez Timistère à Herve. Moins 30% sur toute la collection hommes et moins 40% pour les femmes. Dépêchez-vous. Ouverture les dimanches 27 décembre et 3 janvier. Timistère, Outrecours à Herve. Viva for life. Viva for life. La musique a du cœur. Partageons-la. On la partage tous ensemble, 0830 007, vous faites vos dons pour choisir la musique que vous avez envie d'écouter. Et puis, vous savez qu'il y a des artistes qui sont hyper généreux, qui viennent tous les soirs faire des showcases ici sur la place de la Digue. Et on va en accueillir un que tout le monde connaît, bien sûr. Wow, César, on l'appelle César. Le grand Jojo est avec nous ce soir dans le Cube. Viens t'installer là-bas, sois le bienvenu, installe-toi. Comment ça va? Prends le micro. Alors il y a deux micros. Prends au hasard. On verra si le micro fonctionne. Ouais, c'est celui-là. Oui, on peut essayer. On a un micro avec lequel on a la poisse depuis le début de l'aventure. Est-ce qu'il fonctionne celui-là? Test. Est-ce qu'on t'entend? Ouais, tout test. Je vous entends très bien. Ah bah super. On comment est tombé ça va sur le bon. Super bien. Alors ah ben voilà, il est tombé en panne. Il est tombé en panne. Allez tiens, on va prendre l'autre. Il suffit de parler 10 secondes de temps pour le jette et c'est fini. Formidable. Merci d'être avec nous ce soir. Ça me fait énormément plaisir. Viva for Life, ça vous parle pourquoi? Ben, j'étais déjà là chaque fois qu'on a fait Viva for Life. C'était une tradition que je sois ici ce soir également. Viva for Life, formidable. Ça allez-y, fait plaisir. Soyez généreux, franchement, allez-y de tout cœur. Voilà. 0830 007 pour faire le don, pour faire vos dons. Le grand Jojo. Demandez une chanson. Bah oui. Et on peut demander cette chanson-là, pourquoi pas? Exactement. Allez, je fais un duo avec le grand Jojo. Vas-y. On a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif. On a soif. Si je devais faire un duo avec le grand Jojo, c'était sur celle-là. Hein. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on te sert à boire? Tu veux quelque chose? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Parfait. Parce qu'on avait de la soupe et du milkshake. Alors, vous préparez un titre pour soutenir les Diables qui participeront à l'Euro en juin. Vous l'avez fait pour le Mondial. Est-ce que ça arrive pour le mois de juin? Eh bien voilà, c'est en fait, il y a une grande tournée qui se prépare donc avec les Diables Rouges dans toute la Belgique au mois de juin. Ah, voilà. Bon, on suivra ça. À propos le, de... le titre, ça va s'appeler Olé Olé. We are the champions? Non, pas du tout. Ça a déjà été fait. Ouais. Est-ce que vous avez des souvenirs de spectacles, des souvenirs super marquants? Par exemple, si là ce soir je vous demande le meilleur souvenir sur scène. Le meilleur? Ouais. Cirque Royal, Forêt Nationale. Ouais. Donc des milliers et des milliers de drapeaux belges qui m'a rappelé donc, lorsqu'on est rentré du Mexique avec les Diables. Ouais. Donc il y avait tous ces drapeaux rouges donc, qui étaient donc, sur la Grande Place de Bruxelles. Et on a retrouvé tout ça donc l'année passée donc aussi royal. Et moi j'ai envie de dire le grand Jojo c'est aussi le bal populaire sur la place des Marais. Oui, ah, évidemment. La de la fête nationale, ça traditionnel. Voilà. Traditionnel obligé quoi, obligé. Voilà. Il faut le faire au moins une fois. Ouais, clairement. Il y a une ambiance de dingue. Le pire souvenir peut-être? Joker. Il y a des gens qui écoutent et il ne faut pas balancer. Voilà. Merci le grand Jojo d'être passé nous voir cet après-midi dans le Cube. Le 12 mars, vous serez au Cirque Royal de Bruxelles. Voilà. On remet ça. On refait son cirque. Bah, c'est très bien. Si vous voulez les infos, les réservations, bah, on va vous mettre tout ça sur la page Facebook. Merci beaucoup d'être passé. Et alors, juste avant de partir, petite signature sur le C, ouais, le logo de la ville de Charleroi. Ah, voilà. Et, c'est avec grand plaisir. Et ce QC, à chaque fois j'ai dit Q, mais c'est un C. Ce C était mis aux enchères. Ça aurait été tellement plus simple. Bah oui. Tu veux bien signer mon Q? On devrait le faire. On va faire ça. Avant la fin. Bon, il paraît avec le casque. L'année prochaine, il faut que. Je ne sais pas, Vieux Forlay s'installe à Carnion par exemple. Comme ça on veut dire, allez, viens signer mon cul. Le C que vous pouvez acheter aux enchères, n'hésitez pas à le faire, il vous reste encore quelques heures pour proposer vos enchères sur vivaforlife.be. Les belles chantent au Brésil avec les cariocas et dans toute la Belgique on n'entend plus que cette terre. Olé, olé, olé, olé, we are the champions, we are the champions. Olé, olé, olé, champions. We are the champions. Ça va, Sarah, qui vient de se réveiller? Ça va bien. Qui n'a pas dormi? C'est plutôt ça. Une petite heure. Tout une va bonne bien. Heure, ça fait du bien. Même avec le grand Jojo, on peut découvrir des choses. Ben oui, vous pouvez demander, par exemple, pour qu'on découvre ce titre en entier, vous pouvez le demander au call center 0830 007. Ça, c'est un titre qui a été demandé par Geoffroy. Geoffroy de Leval, qui a donné 40 euros pour l'écouter. Merci, Geoffroy. Cure, Just Like Heaven, c'est maintenant, c'est dans Via for Life. On vous attend, on continue à faire vos dons. Encore 49h29 minutes et 2 secondes. Vous pouvez faire la différence pour que ce compteur soit le plus beau compteur qu'il n'ait jamais eu de Viva for Life, de l'histoire de Viva for Life. On compte sur vous, la musique a du cœur. On la partage dans un instant, juste après ça. Viva for Life, avec nos partenaires. L'agriculture de Wallonie soutient Viva for Life. Ça vient d'ici, ça vient du cœur. Envoyez vos vœux avec l'app Storygram de Proximus et soutenez Viva for Life. Gravité. Ce soir sur la Une. Viva for Life. Salut, c'est Loan. Nous sommes les innocents. C'est Marie Warnon. Nous sommes Laura Pausini. Faites comme nous. Faites un don. Soutenez Viva for Life. La musique a du cœur. Alors partageons-la. Faites un don au compte 8x0 37 37. Info vivaforlife.be. L'agriculture de Wallonie soutient Viva for Life. Ça vient d'ici, ça vient du cœur. Envoyez vos vœux avec l'app Storygram de Proximus et soutenez Viva for Life. Regarde, j'ai acheté un caddie de Châteauneuf-du-Pape. Mais t'es fou ! Non, j'étais chez Intermarché. Et l'excellent rouge Châteauneuf-du-Pape 2014 ne coûte que 7,99€ la bouteille. Vous aussi, fêtez plus, dépensez moins. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Préparez vos cadeaux de Noël chez Intersport Liège. Venez vite découvrir un très grand choix de cadeaux ski, surf, running, casque, chaussures, vestes, pantalons, sous-vêtements techniques. Et profitez de nos départements location et entretien. Intersport Liège, à Chénet, quai des Ardennes, 1200 m² dédiés au sport. Intersportliège.be. Faites-le plein de plaisir au... Plus de 100 magasins vous attendent tous les jours, même les jours fériés. À Pomerloch à 10 minutes de Bastogne, à Schmiede à 10 minutes de Wilsalm et sur knaufshopping.lu. En mal d'idées pour les fêtes? Offrez du bien-être. Une pause soin ou détente à l'espace 22? Voilà un cadeau qui ne s'échange pas. Sauna, hammam, jacuzzi, de nombreux soins en institut ou même chez vous. Espace 22, c'est aussi une parfumerie sur 800 m². Découvrez nos chèques cadeaux. Espace 22, c'est tout ce que je veux. Rue de la station à Anse et sur espace22.be. Viva for life. La musique a du cœur. Jusqu'à 18h, partageons-la avec Cyril. Il y a des visites dans ce cube. Bonjour, on accueille l'équipe du Lions de Charleroi. Bonjour à vous. Alors, on va parler avec François Bornier. Vous êtes premier vice-gouverneur des Lions de Wallonie. C'est pas n'importe quoi. Merci d'être avec nous. Prenez le micro sans fil qui est juste face à vous. Et alors, vous êtes venu accompagné de Marie-Christine Jourdain, présidente de la zone 52, district 112D. C'est bien juste. On a l'impression d'être dans Hunger Games. Mais c'est pas la même histoire. Vous vous battez Lions. On est d'accord. D'accord. Bah, merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce que vous avez fait pour Via for Life? Eh bien, écoutez, pour Via for Life, nous avons fait un petit effort parce que nous sommes capables de faire beaucoup plus. Nous sommes d'abord venus très nombreux et vous voyez les traces jaunes qui sont là partout, j'espère. J'espère que nos amis nous entendent. Eh bien, nous sommes le Lions Club. Le Lions Club, c'est une association qui a 100 ans. Et depuis ces 100 ans, nous occupons de faire du bien dans la communauté alentour de nous. En Wallonie particulièrement, nous sommes 2500 membres. Ouais. Et parmi les programmes que nous défendons, eh bien, il y a les programmes pour la jeunesse et notamment pour l'enfance. Alors, nous ne pouvions pas faire autrement que de nous associer à votre initiative magnifique. Bah, c'est et super de venir gentil. Vous aider avec un gros coup de pouce. Puisque aujourd'hui, nous avons réuni une somme qui va vous paraître un peu bizarre, mais voilà. Dites-nous. Nous allons déposer 7 605 € et 89 centimes dans la cagnotte de Viva for Life. On ajoute ça à la cagnotte. Et alors, vous êtes arrivé à ce montant en faisant quoi? Alors, c'était quoi les activités? En mobilisant nos amis qui sont là, en leur demandant à chacun de nos clubs de bien vouloir mettre un peu la main à la poche. Mais nous sommes également partenaires de Cap 48. Et là, nous faisons de plus grosses organisations. Mais je suis sûr que vous allez grandir très facilement parce que votre initiative a l'accord de tout le monde et donc par conséquent il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Et ben c'est super gentil de vous être mobilisé pour les enfants, les 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie. Exactement. Qui ont besoin de votre aide, qui ont besoin que vous fassiez des dons. Et pour ça, un numéro de téléphone, on vous le rappelle, 0800 30 007. Merci beaucoup le Lions. Et bien merci à vous de votre initiative. Merci. Et on merci continuera. C'est voilà. Très gentil. À bientôt. Merci bien, à bientôt. Au revoir. La musique a du cœur. Partageons-la. We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will